Cette semaine, on parle de films de jeux, jeux de films, je brise une coupe à vin et Mélanie nous parle de son expérience phénoménale avec Sneak King. Bienvenue au collectif. Bon, fait que on start ça. Bienvenue tout le monde à la deuxième version de l'épisode 3 du Geek Collectif. On peut Eric. Dire 3.5 ou... 3.5? V2? 2.5 ou l'autre c'était 2.5? 2.5, je sais pas. Non, le vrai épisode 3. Windows 8. Demain, ouais. Demain Windows 8. Ah, c'est demain pour vrai? Effectivement. Effectivement. Donc, Eric, Milter, Mélanie, bienvenue. Oui. Merci, merci. Salut. Donc, la semaine passée, on s'est planté un petit peu. Pas à peu près. Puis, la semaine passée, la deux semaines? Non, la semaine passée. La semaine passée. C'est vrai, la semaine passée. En gros, un petit écho qui s'est infiltré dans notre audio, je pense. Un petit, qui était spécifiquement centré vers mon micro. Ben oui, c'était pour l'aspect. C'est ça, on s'est dit on va mettre un peu de reverb, mais juste sur le micro d'André pour scraper tout l'enregistrement. Moi, je comprends. Ah, c'est juste sur le tien. C'était juste sur le mien, écoute. Non, juste au début, c'est le tien, je pense. Ben, pas mal tout le long, honnêtement. Ouais, non, mais je parle. Au début, c'était le tien, il a resté tout le long, mais à part après, on dirait que les autres micros, ils ont embarqué. Plus j'écoutais, plus que vers la fin, tout le monde reverbait en fou, puis. C'était pas si pire que ça, c'était écoutable, mais... Ben, c'était un peu ça, c'était écoutable, donc on l'a relâché au public en douce pour les gens qui étaient abonnés avec iTunes ou le RSS. On a décidé d'appeler ça l'épisode perdu numéro 1, en souhaitant qu'il n'y ait jamais d'épisode perdu numéro 2. Le début d'une longue série. Moi, je viens d'écouter un podcast en passant très renommé, quand même assez populaire, puis ils ont dû l'enregistrer tout sur un iPhone bootleg. Ouch. Puis ils l'ont releasé quand même. Ils ont enregistré ça avec un iPhone. Ouais, ils sont prêts à avoir un micro sur l'iPhone. L'iPhone est bootleg ou le recording est bootleg? C'est un recording qu'ils ont fait sur. C'était à Comic Con New York. Ok. Puis je vais dire, c'est le podcast, c'est de Nerdist quand même. Fait que c'est quand même un podcast que je pense qu'il peut s'en sauver un petit peu plus. Chris Hardwick. Exactement. Mais il avait fait un gros. Imagine, là, tu fais un podcast, là, puis t'as Guillermo del Toro qui est là, puis plein d'autres personnes vraiment renommées pour parler de films d'horreur. S'il fait Rex sur iPhone. Puis à fin du recording, ils se rendent compte qu'après 1h30 de conversation, ils n'ont jamais parti le recording. Ah, tabarnak. Ben, c'est quoi qu'ils ont fait jouer de bas? Ben, c'est parce que qu'est-ce qu'ils ont fait jouer, c'est qu'après ça, le lendemain, Chris Hardwick sur Twitter, il a envoyé une demande s'il y a quelqu'un qui l'aurait par chance bootlegué, laissez-moi savoir. Puis il y a un gars qui il a enregistré le bootleg avec son iPhone. Sérieux? Il faut être motivé, ta bande. Ouais, mais ça, c'est cool, par exemple. Ouais, okay. Il l'a releasé après, puis c'était écoutable. Puis il m'a dit que c'était bien moins écoutable que le note. Moi, je veux savoir. Mais on n'avait pas Guillermo del Toro comme. Non, nous autres, on avait juste mon ego qui voulait pas dire au monde que j'avais masterisé une crap de même. Mais finalement, le monde le savait même. Oh, wait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité cette semaine, guys and girls? On va commencer par toi, Mélan. On commence jamais par toi. On va faire non, changement. Je laisse aller parce que. Bon, ben, ok. Milter, toi qui as un clipboard plein de notes, ouais, j'imagine tu dois avoir de quoi dire. Non, ben, c'est juste mes affaires que j'ai vues cette semaine. Je suis rendu. J'écoute bien des séries TV. Fait que là, je suis Dexter saison 7. Je sais vraiment pas où que ça s'en va. Je sais que vous êtes trois personnes qui se foutent totalement de cette non, série. Non, non, non, écoute, Dexter, parle-moi-en en long et en large. Ok. Mais t'as pas écouté, je veux dire, les. Ben, es-tu du monde, je pense? Ouais, ouais, non, mais la saison 7, ça a juste plus. Ça a juste plus rapport, là, genre. Là, c'est, ok. Ben, toi, personnellement. Ben, c'est quoi? Es-tu plus de monde, c'est pour non, ça? Oui, ou... mais, ben, j'ai appris que ça dure juste une saison, là, tu vois. Quoi? Non, il y en tue tout le long du monde, là, mais c'est juste. Ah oui. En tout cas, pour ceux qui écoutent, là, saison 7, je veux pas péter de spoiler parce que c'est comme quand pas même actif, là. Ouais, puis t'as pas entendu la règle du 3 mois ouais, non c'est plus, ça, là. C'est ça, là, fait que je veux pas. Puis dis-toi que. Rien, mais je trouve ça juste bizarre que ça s'en va. Tandis que. Ça se dit-tu, en tout cas? Ben oui. J'écoute aussi Walking Dead. Ça, je l'écoute. Saison 3, t'as commencé, là? Ben en fait, je suis pas mal up to date, là. Ah, t'es rendu saison 3 aussi. Ouais, je monsieur. Pensais que t'étais en retard, me semble. Ben non, ça, j'ai. Pas j'ai... Tout de bord. J'écoute mais pas mal tout up to date. Le deuxième épisode? Ouais. Moi, j'aime bien ça. Honnêtement, ça. Puis le pire, c'est que. Encore, pour pas trop dire. Ben, faut pas spoiler. Ça a joué avant hier. Mais ça suit bien son fil. Je trouve qu'ils prennent pas trop de retard comparativement à la BD. Puis ça va vraiment bien, sans joke. Puis j'aime l'ambiance, j'aime l'évolution des personnages surtout. Ouais, ça commence à être vraiment cool. Ben, il y a ça, puis il y a plus d'action que la 2 que je disais au début que je trouvais ça plus smooth, un peu plus slow. Là. C'est correct, Mel? Ouais. Je commence une sinusite bronchite. Le best, c'est de faire des chocolate rain comme moi, tu te tasses. Ouais, c'est ça, j'ai fait. Puis, c'est ça. Sinon, une autre série que j'écoute, j'ai dit ça de même, j'écoute ça avec ma femme, mais c'est Pan Am. C'est la série des. Ça, j'ai pas écouté ça. Karine Vanasse est là dedans, c'est Karine Vanasse, c'est pas super. Ben, je la trouve. Attention, là, intimidation, c'est pas. C'est pas les touristes, ça. Je vais pas dire rien de méchant. Ben, il y a les touristes sur VTL, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ok, excusez. Elle faut pas Paname, c'est une affaire de femme, là. Comme les touristes. Non, des hôtesses de l'air. Non, des hôtesses de l'air. Puis. Des années. Les années 60. Ouais. La vie de l'air. Ça joue à quel poste, ça? Download ça, oui. Femme de l'air des années 60. C'est CTV, mais ça joue à VTL aussi. Ouais. C'est. En tout cas. Ma femme, elle m'a dit qu'elle aime bien ça. Ben. Peut-être que tu pourrais m'instruire un petit peu plus de quand c'est bon. C'est comme très léger comme série. C'est des petites hôtesses de l'air, là. Il y a moi, dans le fond, il y a deux mots pourquoi je dis rien puis je l'écoute. C'est Christina Ricci. Elle est là-dedans. On parle de mercredi, là. Ouais, mercredi, mais plus vieille. Mercredi Adams. Black Snake Moon, là. Ouais. Avec un peu moins de front. Casper, tu veux-tu nommer d'autres films que je Speed dis? Racer. Speed Racer. Ouais. C'est vrai, j'ai pas pu. Je pense que je suis un des rares qui a aimé Speed Racer. Hey, j'ai aimé ça, moi aussi. Moi, j'ai adoré ça. Le japonais avec les cheveux gris dedans, très hot. Ouais. Il y a un japonais dans Speed Racer. Ouais. Ben oui. Je sais plus son nom, mais. Mind blown. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Je pense, honnêtement, je suis une des rares personnes qui a trippé sur ce film-là. C'est un des meilleurs films ever. C'est pas pire. Je suis pas prêt à dire tripper, virer ma vie là-dessus. Là, mais... C'est pas les brothers. C'est le frère et sœur Wachowski. C'est ça. Oh, ouais. Oh, la sœur, elle s'est jointe. Il y en a un qui a eu un sex change. Puis c'est quoi? Laura Wachowski maintenant. Ok, je crois que c'était genre la sœur qui venait de se mêler à la gang. C'est correct. Pas pour faire un lien à ma nouvelle de la semaine, mais c'est justement, ils ont leur nouveau film qui sort demain, eux autres. Qui ça? C'est comme le guitariste. C'est comme le pianiste. Ah, ça sort demain, ça! Ça sort demain. Oh. Moi, je m'en vais pas voir Silent Hill demain. Hey, tape-peur. Moi, je vais pas demain, là. Parce que demain, c'est Video Games Live. Ben, j'ai pas de billet pour Video Games Live. Je suis sûr que tu peux te trouver un scalper. Tu sais, le monde, que quand tu sors du métro, ils disent ticket, pour aller voir un show. C'est pas super, c'est à 60$ à peu près. Ouais. 200, c'est le parterre. On salue FM qui a acheté un billet pour le parterre en passant. Imagine les scalpers, combien ils vendent les billets de parterre. Non, mais honnêtement, là, tu sais, c'est comme un scalper qui scalpe un billet à 200, mais c'est un show de video games. Mais c'est ça, je serais comme crampé un peu de voir le crowd qui va aller voir le scalper, puis hey man, t'as-tu du cash, puis je peux-tu t'acheter ton billet, puis des affaires de... Fuck, les billets sont vendus d'avance. Il y a du crowd fucké pour tout. Ah, mais c'est comme le UFC, là. Attendez un instant. Le dernier... UFC, ça n'a aucun bon sens. Le dernier prix, UFC. Là. Non, mais attends, on va t'expliquer quelque chose, ok? Ok. Une petite anecdote. Ok. Je suis tout oui. Mais rapidement. Il y a 2 ans, quand Georges St-Pierre se battait au Centre Bell, moi, je prévoyais aller le voir à Cajos Sport. J'étais comme « fuck that », moi, regarder Inoue, passer le match, regarder l'écran télé. Puis les ailes sont même pas bonnes. Je sais, mais j'ai pas pris les ailes. Take that, Cajos Sport. Puis je me suis dit, je vais aller voir Cajos Sport tant qu'à ça, fuck that. Même si j'avais jamais vu un UFC, j'avais vu des shows de MMA live, mais j'ai jamais vu les UFC. Tu vas mieux à TV, de toute façon. Je l'ai appris bien avant l'UFC que tu vas pas voir, en tout cas. Comme le monde qui se prend les billets pour la cage. Non, même par terre. Ben, par terre. Tu diriges devant toi, tu vois rien. Non, mais par terre, t'es correct. Tant que t'es pas dans le turnbuckle, puis c'est un octogone. Non, fait qu'il y en a bien des fucking turnbuckles. Tu vois rien, je peux vous le dire. J'ai déjà acheté des shows de mémé au par terre. Tu vois rien si tu regardes ta TV. Avec des billets à 100$, c'est là, ah, bel écran. 600, hey, GSP, ça va être à des 1000. Mais attends, pas au UFC, je te parle d'autres shows de mémé, des billets gratuits j'avais, mais en tout cas, bref, ça pour dire que j'arrive là. On va à la cage au sport, le combat commence. Mon ami va fumer une cigarette dehors, il n'y a rien, il est crampé. Il dit, savez-vous quoi? On fait quoi? Tu le scalper? OK. Vraiment, il y avait de quoi dans le dos, le cachet. Je vais voir le scalper, je t'arrive à fumer une cigarette, il vient me voir justement pour me vendre des billets. Il dit, hey, le gros, il dit, j'ai des billets à 300$, je t'ai fait à 100$. Mon ami le regarde, il fait, Le show a commencé depuis une demi-heure. Tu viens me voir pour des billets. Tu vas rester pogné avec. Donc, moi, je te donne 20$ pour ton billet de 300$. Hey, le gros, tu peux pas faire ça, là. Tu vas me vider. Gna, gna, gna, gna. 20$, le gros, c'est ça, t'as rien. Tabarnak. Ben, sacrément, il a vendu 3 billets à 20$. Un de 600, deux de 300. Il est revenu en dedans, il sort les billets. Vous me donnez 20$ cher. Fait qu'on va voir le show finalement pour 20$. Je me dis pour 20$, ça me dérange pas de regarder l'écran dedans. L'ambiance va être cool. Surtout le scalper qui est intelligent, là. Non, mais, minute, là. Quelqu'un qui est intelligent, OK? Le show a commencé à se faire une heure, mais tu sais, c'est comme. C'est pas Georges Saint-Pierre qui se bat en premier, puis après ça, c'est des tout nus. C'est comme un build-up. Fait que tu sais, dans le fond, son but à lui, c'est, me semble. Plus le temps avance, ouais, plus le billet devrait devenir cher. Il y a aussi là. L'affaire qu'au Sandbell, quand Georges St-Pierre s'est battu, le trois quarts était vide. Pas le trois quarts, mettons, la moitié était vide. Il y avait énormément de sièges vides. Il y a le chic, lui aussi, ils ont donné 2000 billets, je crois, que je me trompe sur les noms. Ils ont donné énormément de billets c'est gratuits. Drôle, ils mentionnent ça vend pas au Québec. Le monde va pas voir ça. C'est pas comme aux States. Aux States, ça se vend comme des pains ouais, chauds. Là, ici, le monde n'est pas intéressé. Dire que le 17 novembre, pour son grand retour. Probablement la même affaire. Non, moi je dis qu'il y a du monde intéressé. C'est toujours capacité. Il annonce toujours que c'est de la capacité. Mais il dit ça parce qu'il ne veut pas perdre la face. Donc, oui, on était supposé avoir 15 000 personnes ce soir. Nous en avons 7 000. Il parle plus comme 20 000 à chaque fois. Excuse, en passant, le gars, s'il parle au Sandbell, il va avoir de l'écho comme dans l'épisode de la semaine passée. Peu importe le show que tu vas voir au Sandbell, tout sonne avec de l'écho. C'est de la merde. Quand je t'allais voir Rise Again, ça va pas longtemps. Là. Nine Inch Nails, meilleur son au monde. Non, mais eux autres, toi et toi, ont du reverb, fait que ça paraît pas. Là. Exactement. Toutes les shows que j'ai vues, ça sonnait fou, là, le son. Là. Qualité incroyable. Aïe, aïe. Hey, parlant de séries télé, moi, j'étais un peu plus momoun, mais tu sais, j'écoute. T'as pas plus momoun qu'Apana, moi. Ouais, ouais, j'avoue. Ben écoute. Hey, c'est quoi, tu vas dire? J'écoute Desperate Housewives. Ben, je l'ai déjà écouté, mais j'ai pas embarqué. C'est parce que Terry Hatcher était pas mal plus hot que ça dans mes souvenirs, dans le temps de Lois and Clark. Hein. Hey, l'épisode où elle volait les pouvoirs de Superman. Hein, pendant... Je m'en souviens pas. Moi, je m'en rappelle. C'est ça qui est triste un peu de Desperate Housewives, c'est qu'on si jamais il y a beaucoup d'hommes qui l'ont écouté, c'était pour Terry Hatcher. Ouais. Puis Eva Longoria. Ouais, Eva Longoria. C'est quelque chose. Non, mais elle est belle. Non, je dis pas qu'elle est pas belle. Juste, je veux dire. Je vois que Terry Hatcher. Elle est pas belle. Ah, Terry Hatcher. Terry Hatcher dans Seinfeld. Ça m'étonne pas. Ouais, ah, dans Seinfeld, ouais. C'est une émission de Saint, là. Ouais. By the way, they're real. Ah, ouais. Ça, on s'en souvient. Non, mais série télé, ces temps-ci, je sais pas, il y a quand même une thématique surnaturelle. Fait que j'écoute Supernatural. Mais Vampire Diaries aussi. Tu sais, on parlait de True Blood moi l'autre aussi. Fois, là, puis Vampire Diaries, ça a commencé. Tu es meilleur que l'autre, tu genre. Ben, il n'y a pas de Camaro, puis de Gino, puis. Non. Ben, en fait, le Cray, je pense, il est rendu partout, là. Tu sais, c'est comme. Ça suit bien le livre, ça. Ouais, ben, écoute, peut-être, je sais pas, mais je sais que Nina Dobrev, ou je sais pas trop quoi, là, qui joue là-dedans, là. C'est un vrai livre, ça. Moi, c'est André Paquette, puis tu risques probablement de moi, puis t'écoutes pas le podcast, mais salut. Vampire Diaries, c'est un livre des années 90. Ah, mais elle sort avec un des frères dans la vraie vie, donc cancel le projet. De qui vous parlez? Il y a même pas de Camaro. De qui vous parlez, là? Non, on parle de Vampire Diaries, mais... Non, vous parliez pas de Vampire Diaries. Oui. Je parlais que l'actrice principale sort avec un des deux frères dans la vraie vie. Je pensais quelqu'un que vous connaissez. Avec le plus beau des deux, parce qu'il est comme un... Non, je connais personne avec une Camaro, en fait. Non, c'est ça, je me demandais. En fait, oui, je connais quelqu'un. Salut, Seb! Un rouge, puis elle était écœurante, sa Camaro, en plus. C'est une nouvelle Camaro? Non, c'est une... je me souviens pas quelle année, je pense que c'est 84 ou 85. Elle est vraiment cool, là. Les, okay, oui. C'est un modèle Bumblebee rouge. Oui. Oh oui. Mais non, c'est ça, côté série télé Revolution de NBC. Honnêtement, là, j'aime bien ça à date. Le fait que ça soit comme un peu steampunk... Tu sais, un peu, c'est comme t'as notre techno là, puis tu sais, les combats d'épée, puis la révolution américaine qui revient un peu, puis des affaires à la main, puis j'aime bien ça à date. Honnêtement, j'aime vraiment ça. Moi, j'ai aimé, je trouve ça un petit peu cheesy. Là, ben, mais un moment donné, tu sais, gars, NBC, c'est sûr qu'il va y avoir du fromage là-dedans. Là. Mais c'est du. Ouais. C'est parce qu'on dirait l'oncle, là, le mononcle, le héros, I guess. Ouais. Le frère du père de la fille. Ouais. On dirait que c'est un acteur trop qui sort de les soap opera des années 90 ou quelque chose. À chaque fois, j'avoue qu'il fait très Days of Our Lives. C'est ça. J'essayais de figurer comme. J'ai même pas fait de recherche. Je me rappelle quand je l'ai vu, je dis faut que je sache d'où il vient, ce gars-là. Mais ça a l'air d'un pedigree de Movie of the Week, CBS, ou quelque chose comme ça, qui a finalement eu son rôle titulaire après 40 ans de carrière. Ouais, non, mais honnêtement, par contre, c'est divertissant. C'est le genre d'affaire que je vais écouter. C'est comme Falling Skies, un peu, qui est une autre télésérie que j'ai écoutée, puis on dirait... J'ai de la misère à embarquer, mais je l'écoute pareil. Puis un moment donné, Falling Skies, ça a comme décloché, puis là, c'était rendu excellent. Ça passe en dessous du radar, ça, un peu. Totalement. Ouais, mais ça joue pas sur un post-prime time non plus, là. Ça joue, c'est quoi? C'est sci-fi, je pense, qui fait ça? Là, à Star, ces séries-là, là, ils passent toutes sur d'autres postes spécialisés ou quelque chose que le monde pogne pas, mais le monde intéressé, ils vont chercher leur public sur Internet. Ça, c'est très vrai. Puis les producteurs, ça leur dérange même plus, je te dirais, à Star. Il y en a même qui favorisent ça, comme le gars de Walking Dead, j'avais vu, qui disait « Je m'en fous si le monde n'écoute plus nécessairement à TV. » Ils me pognent après sur Internet, puis ils en parlent tellement, puis ces affaires-là. Oui. Ils vont vendre les Blu-ray, ils vont vendre tout le stock pareil. Ils font le marketing de même. T'as pas le choix de suivre la vague, là. Puis il y a quand même, je sais pas combien de millions de personnes qui l'écoutent à la TV, là, mais imagine si t'additionnes le monde comme moi. Ça doit pas être un plus qu'avec 3-4 millions, là, pour voir. Ben, c'est quand même ça de plus. Non, je dis pas que c'est pas beaucoup, mais c'est habituellement la norme, là, pour un hit, là. Mais c'est Battlestar Galactica, en fait, qui était le premier à prouver cette théorie-là. Ah, là, tu viens me chercher, là. Le premier de Battlestar de Galactica, c'était sur Sky. Ouais. Ça s'est fait en Angleterre. Mm-hmm. Puis ils l'ont releasé en Sky First. Puis ça premierait sur Sci-Fi, genre, 2 mois plus tard. Ah, ben plus que ça, je me rappelle. Parce que je l'ai pogné le lendemain, puis un moment donné, c'était comme 3-4 mois après, je vois l'annonce à la TV. Premier of Battlestar Galactica, là, je fais... Mais, okay, ouais. Mais la joke de ça, c'était que ça avait premier sur Sky, après ça c'était sur des torrent sites le lendemain, tout le monde regardait, tout le monde qui regardait recommandait, tout le monde disait « man, c'était bon, ils en parlent en ligne, ils en parlent sur Twitter, ils en parlent à leurs amis, ils recommandent à tout le monde ». Puis quand ça premiere finalement sur Sci-Fi, highest rated premiere dans Sci-Fi history. Ben c'est normal. À cause de l'engouement qui a été fait par le. Ben aussi, c'est parce que t'as un marché spécialisé où t'as la clientèle spécialisée qui tripeux, que eux, ils allent le chercher. Puis après ça, ils suggèrent aux autres. Un bon exemple de ça aussi, Misfits, qui commence dimanche la saison 4. Misfits, là. Ça n'a jamais vraiment passé à la télé ici. Ça s'est rendu à Tout Point TV, des choses comme ça. Mais quand c'est sorti ici, le build-up était tellement fait parce que les fans qui l'écoutaient. Tu sais, regarde, moi, je le cacherai pas, regarde. La version anglaise. Okay. Anglaise, regarde, c'est all the way. Puis... Au début, j'étais sûr que ça avait rapport de la bande de musique. J'étais tout primé. Puis quand j'ai vu après, c'est. Tu l'as pas écouté? C'est super bon. Honnêtement, là, c'est le genre d'affaire qui est vraiment écœurant. Moi, j'ai décroché. Mais quand... ça parle de quoi, sans spoiler rien? C'est des voyous en Angleterre qui font des travaux communautaires. Puis un moment, ils pognent des superpowers. Il y a un éclair, puis... Okay. Mais ils ne deviennent pas nécessairement des super-héros. C'est juste... Heroes, Non, c'est ça, c'est parce qu'ils ne deviennent pas vraiment des super-héros. Non, mais je vois le comparatif. Ben, gars, le comparatif, c'est que, mettons, toi, du jour au lendemain, tu prends des super-pouvoirs, mais tu décides pas nécessairement de combattre le crime. Non, c'est ça. Fait comme dans Heroes. Non, mais comparativement à Heroes, après saison 1, c'est encore bon. Ben, gars, ils n'ont pas de cheerleaders. Ouais, mais ils n'ont pas de cheerleaders à sauver. Ils ont pas... Gars, c'est juste, regarde, le gars, là, il volait des chars la semaine passée, puis cette semaine, il a un super pouvoir, mettons, qui devient invisible ou peu importe. Mais il vole encore plus de chars. Ben, il fait ses travaux communautaires, puis il réalise pas trop. Pis... Dans la lignée de Chronicles, un peu. Ouais, ben, pas aussi extrême. Mais regarde, c'est tellement drôle, c'est tellement bien écrit, c'est tellement. C'est le genre d'affaire qu'à chaque fois que tu penses, tu sais comment que ça va finir, comment ça va s'en aller. Il te flippe ça l'autre bord, puis les personnages sont attachants, ils ont des accents de cul. C'est quoi le nom de celui qui... Il y a Nathan, qui est malade. Nathan, c'est celui qui peut pas mourir. Ben, spoiler, il fait plus que 3 mois. Spoiler, moi, tu vois, quand... Ouais, mais Milter, il sait pas, Milter, il sait pas. J'ai plus le goût de l'écouter, je sais qu'il meurt pas. C'est son pouvoir. C'est agapé, là, je sais son pouvoir. Tant qu'il se touche, il est correct. Tant qu'il se touche. Je viens tellement de t'envoyer d'une autre direction, totalement wrong. Mais en tout cas, Misfit, saison 4, début dimanche, puis j'ai bien honte d'écouter ça. Moi, je le checkerai, celle-là. Parlant de bonne télévision, on va... Ah ben moi, j'en ai une de bonne télévision. Oh. Qu'est-ce que moi j'ai écouté cette semaine? Oh boy. Les 3 premières, puis ça, c'était un flashback là, de ma jeunesse, là. Puis ça se peut que ça passe par-dessus l'attaque de Ben. Pas Voltron? Voltron, en passant, non, mais je l'écoute au moins une fois par année. Écoute pas le remake, man. Hein? Je veux écoute le remake. Non, je me suis fait dire, moi je me l'ai déjà fait déconseiller là. Ouais. Puis moi Voltron, c'est rare que je déconseille de quoi en plus là. Hey, moi, j'étais kid, là, je mélange Voltron et Goldorak là, tellement que mon enfant wow. de Frank. Non, mais je fais juste dire que ma vie de kid, là, okay. tu parles du robot tigre. Genre, ouais, les tigres. Les tigres. Finalement, ouais. c'est ça, pas Goldorak. Non, ben, c'est parce que moi, j'ai vu Goldorak quand j'étais très, très, très jeune. Ouais, en anglais. Ça, quand j'avais... Non, en français. Puis quand j'étais un petit peu plus vieux, puis je te parle de 5, 6, 7 ans, j'ai embarqué dans. Moi, j'étais trip Voltron. Les chats, Thundercats. Ah, Thundercats! Non, mais moi, j'ai eu la NBC Saturday Morning Cartoon des années 80. Mais tout ça pour dire que mon show que je voulais parler de, c'est SeaQuest. DSV, man? Oui, monsieur. Oh! Man, c'est du nouveau stock, là? Non. Mais c'était bon, ça! C'est parce que sur Netflix, pendant longtemps, il y avait la première saison, mais sans le pilot. Puis ça me faisait chier parce que j'étais là, puis je me rappelais toujours d'avoir vu le pilot. Le pilot était kid, bon, j'avais man. Adoré ça. Puis là, je regarde, puis c'était toujours émission 2. Puis finalement, je sais pas quand, dernière semaine ou mois, ils ont mis le original, le TV movie de Pirate. Ouais. Astique, c'est bon, cette chose. C'était bon. C'était bon jusqu'à temps qu'il se fasse kidnapper, puis qu'il soit rendu avec des Alien Wars. Ouais, pis... mais au début. Tu sais, quand Voyager est sorti, puis ils ont fait comme vite, sauver SeaQuest, on les pitch à l'autre bout de l'univers. Pis... Il fallait qu'il embarque. Finalement, ils se sont rendus compte que l'océan était limité. Mais dans le début. Tellement plus. Une fois que tu passes le. Mais tout ça pour dire qu'au début, le concept était écœurant. Le jeu de Super Nintendo était bon, man. Puis le jeu de Super Nintendo. Ah, c'était un top-down shooter, un peu. Ben, t'avais plusieurs niveaux parce que t'envoyais Darwin, qui était le dauphin, oui. Je sais pas si tu te souviens, qui pouvait communiquer avec le vaisseau. Oui, je m'en rappelle. Tellement pas joué à ce jeu-là. Fait que dans le fond, tu sais, t'avais des tableaux avec le SeaQuest, puis là, t'avais des missiles, des affaires de main, puis t'avais des tableaux que t'envoyais Darwin, puis là, c'était comme un peu Echo the Dolphin avec des labyrinthes, des affaires de main. Puis c'était cool, SeaQuest. T'avais le petit kid là qui était le genre de. Le genre de Eddie Furlong de l'émission, ouais, là, avec la coupe en champignons. Puis, le teenage heartthrob des années 80, début 90. C'était gros comme un chico, là. Il a appris à. C'est lui qui avait appelé le translator pour que Darwin parlait. Ouais. T'as ouvert une porte là, en disant Echo de Dolphin. Là. Ouais. Tu sais que c'était plate, ça, quand tu y penses, là, pareil. C'est gars, man. Il te vendait le jeu avec ça parce qu'il sautait dans les airs, le dauphin, pis tout. Le pire, ça, là, c'est que moi, à mes mémoires d'écho, c'était de sauter dans les airs. Dans quand il faisait le flip. Non, mais hey. C'était peut-être plate, là, mais la première fois que tu voyais Echo sortir de l'eau, tu faisais comme, ah, c'est ça, du 16 bits. Ah, ben c'est ça, là, c'est comme ton introduction 16 bits. Ils te vendent le Genesis avec Echo de Dolphin. Je m'en souviens. Dès que j'étais avec vos deuxième tableau, moi, comme mon introduction, c'est plate, c'était Alex Kidd, mais ok. Non, ben pendant un bout, je veux dire, il te vendait. Moi, j'ai eu Sonic. Moi, c'était Bubsy, man. Avec, là, mais... Ah, Bubsy, c'était bon. Bubsy puis Comic Zone aussi. Comic Zone, Comic ça, c'était fucking cool. Ça, c'est du late Genesis, par exemple. Ça, c'était là, cool. C'est ah, mais c'est parce que moi, j'ai pas un Genesis, j'étais pas assez cool. Ah, fait que tu l'as joué sur l'émulateur. Non, mais en plus, je joue chez mes amis. Mais moi, le pire, c'est que j'arrivais, puis le pire, j'étais un peu fourré, parce que j'avais deux amis qui avaient des Genesis. Un qui avait la manette comme à 6 boutons, puis l'autre qui avait la manette à 3 boutons. Puis là, je catchais pas trop, tu sais. J'arrivais chez un, puis là, je me demandais dans ma tête, c'est qui le. Il a acheté du Genesis qui a cheap avec juste 3 boutons. C'est qui a le bon Genesis, puis qui a le mauvais Genesis. Astor, c'est deux grosseurs de hard drive ou de quoi de même. Quand ils sortent une console, dans le temps, c'était ton nombre de boutons. T'en mais le pire, là, c'est que c'est devenu avec une manette plus c'est tard, vraiment. Ça. Mm-hmm. Fait que t'avais ton Genesis au début avec les 3 boutons, puis là ils ont releasé éventuellement la manette à 6 boutons qui était standard. Pour les jeux comme Mortal Kombat. C'était... Mm. Mais puis moi je jouais au Genesis avec les 3 boutons à Mortal Kombat. C'est là que c'était genre le high kick là ou ah, même, là. Genesis aussi là un autre flashback là, mais Streets of Rage. Ça c'était bon. Ça c'était hot. Moi je prenais tout le temps le kangourou ou ben, le petit noir avec les rollerblades. C'était ouais, le gars en patin. C'est ça. C'était le final fight du Genesis. C'était malade. Avec l'autre qui faisait des Grand Upper, dans le fond, là, il faisait un uppercut, puis ça pognait en feu. Tu fais un trip de musique 16-bit aussi, là, Streets of Rage. Ah ouais, c'était bon, ça. Musique, c'était vraiment mais bon. Mais tous les fighters, là, même, dans le temps, il y avait. Ben, pas tous. Mais Streets of Rage, il y avait un. Tellement que Streets of Rage, je pense, rendu fallait au deuxième, il annonçait le créateur, le compositeur. T'avais le nom du compositeur qui était là, là tellement. C'est comme du Final Fantasy chose, là. Il est tellement qu'il est puissant. Nobuo Uematsu, de quoi de même. Je suis pas capable de les noms. Ce qui est intéressant là-dedans, puis c'est pourquoi que j'aime ça qu'on finisse en parlant de jeux vidéo de même, c'est que cette semaine, dans le fond, là. On va essayer de démystifier. J'ai pas parlé de mon émission de la semaine, mais. Ben ouais, mais là, écoute, tu nous. tu nous tends les micros et fais ton comeback d'abord. Lâche-toi l'os. Bossy Quest. Je me fais tout le temps. Mais non, t'as parlé de Vampire Diaries tout à l'heure. Non, t'as parlé de Vampire Diaries. Non, non, j'ai jamais parlé de Vampire Diaries. Ouais, c'est ça. Je n'ai jamais quoi? Parlé quoi? De moi, l'émission que je traite beaucoup ces temps-ci, c'est Sons of Anarchy. Ah ben oui, c'est ouais. C'est écœurant, bon c'est très très bon. C'est revenu un peu avant Vampire Diaries, ça fait 3 semaines. Donc j'ai pas écouté, ça. Mais je trouve cinq ça semaines. Vraiment bon. Moi, j'ai fait vraiment les deux ça, premières maintenant. Saisons, puis je suis dû pour les finir. Moi, je okay, suis sûr, rien, mais moi, je suis sûr, j'aimerais ça. Si j'essaie de convaincre ma blonde. Ben oui, mais ça. Mais quand j'ai... Parce que tu sais, ma blonde, elle me dit, résume-moi ça en deux lignes. Cupcakes. C'est des motards qui font puis y a des cupcakes. Qui font des cupcakes, il y a man. Pas de cupcake pour de elle sait pas ça. Non, mais c'est si ça. Après deux épisodes, elle a pas de cupcakes. Non, non, c'est saison 2. C'est ça, là. Mais ça va t'acheter ouais. Deux épisodes pour au moins dire ben, y a pas de cupcakes, mais check comment que c'est bon. Quand je dis motards qui font le trafic d'armes, là, elle dit ah non, ça m'intéresse pas. Là, j'essaye Breaking Bad, je dis ben, le gars, il a le cancer, puis il fait du crystal meth. Ah non! Ah, mais dis de même, là, attends, est-ce que le gars consomme du crystal meth? Non, il fait du il produit. Crystal, ok, il en fait. Tu n'as jamais écouté. Ouais, ouais, je fais juste trop là. Je sais pas, là. Faut que je corrige tes pitchs. Breaking Bad, à ta femme. Homme découvre qu'il a le cancer, fait tout pour sauver sa famille. Avec sa famille. J'ai dit de même. Non, non, j'ai fait dit... tout pour pas que sa famille tombe dans la merde quand il meurt. Exactement. Tout ça. Ouais, ouais. Donc, il décide de prendre mais, une là, décision très dire. Dure. Ouais, mais il fait quoi? Mais il lave les voitures. Non, il fait deux jobs. Ouais, mais je l'ai pas vu, je ne le sais pas encore. Ouais, mais pense je pas me fie aux deux lignes d'IMDB là, ou de quoi de même. Là. Dis, il a dit, c'est un professeur, il fait pas assez d'argent, il doit moonlighter comme laveur dans un au car wash pour un arabe méchant. Ouais. Mais il est pas si méchant que ça. Man, si jamais on prend de la... je parle pour parler là, on prend de l'expansion là, puis on fait une autre émission là. Moi j'en veux une, c'est Eric résume les émissions. Toi qui fait un résumé là. Le gars, il lave des chars pour un arabe méchant. C'est Breaking Bad. Et il redécouvre une amitié avec un de ses anciens étudiants qui est maintenant rendu entrepreneur. Comment expliquer les séries? Ouais, entrepreneur. Avec Eric. Entrepreneur. OK, fait que Sons of Anarchy, ouais, Mélanie. Ouais, moi, mais... Sons of Anarchy, on fait le pitch pour Sons of Anarchy, relation de famille. Vraiment déviant. C'est un roi qui a des problèmes avec sa reine, puis son fils, le prince, il essaie de savoir s'il va prendre le règne de l'Empire. Et ouais. Moi, je sais pas qu'est-ce que tu viens de dire. Mais... Il rencontre une princesse. Puis il vient dans son palais. Ouais, c'est ça, il vient dans son palais. Qui vient dans son palais, puis qu'elle a découvert une éducation, puis elle est rendue intelligente, puis c'est pas une bimbo. Puis là, elle s'est devenue une healer pour le village. C'est ça, pour sauver pour le royaume. Man, je sais même pas de quoi vous parlez, je connais pas l'émission, mais ça me rappelle vraiment bien des jeux, là. Elle devient pas paladin, juste il est là. White Mage. Fait que finalement, Sons of Anarchy. C'est ça, c'est un remake. Ah non, bon, on repart pas là-dessus. Là. Fait que Sons of Anarchy. Puis sinon, cette semaine, Mélane, actualité, cossin, etc. Ben quoi moi, qui t'a marqué, j'ai vraiment ou... trippé. J'ai vu le preview du nouveau Iron Man. Ouais. Ça m'a vraiment oui, touché. Hey, c'est vrai, ça. Ça a l'air bon. Ça m'a vraiment touché. J'ai vu beaucoup de photos. J'ai pas été game de regarder le trailer. J'essaie d'éviter ouais. Le trailer. Ah, parce que tu veux pas te gaspiller le film. J'ai l'impression qu'ils mettent deux minutes intenses de tout que je vais voir dans le film. Fait... Ça, c'est très vrai parce que je suis allé voir Taken 2 hier, l'enlèvement 2. La moralité du film. Don't fuck with Liam Neeson. Non, c'est mais ça. Mis à part ça, tout se passe. Le gars est écœurant, mais. Toutes les meilleures bouts du film, t'es vu dans le trailer. Sans spoiler rien, vu que de toute façon, le trailer spoil tout, d'après ce que tu dis, là. Parce qu'il sauve sa femme, ça. C'est qui? C'est sa femme qui se fait kidnapper, ce coup-là? En fait, c'est lui pis sa femme. Ouais. Lui, le monde en veut après lui. Fait que Boris the Blade veut le kidnapper. Boris the Blade. Mais il l'a kidnappé ou il veut le kidnapper. Ben il écoute, je pense qu'il va falloir que t'ailles au Star City un mercredi ou un mardi, payer 5$, c'est assez avec plein de monde qui claque des doigts quand que le monde se batte. Oh, drette ouais. De même là. Puis j'allais à l'école avec des man, anciennes ça paraît fait pour vrai cinéma, pour vrai ah ouais je ne te mens pas il y a des claquements de doigts c'est yo shit ça même. Ouais, même ouais oh, ouais fait que mais non mais le film était quand même bien mais ça se passe tout dans le trailer honnêtement mais c'était Honnêtement, c'est le genre d'affaire que tu... jamais le premier qui est fucking épique. Faut-tu que je vois le premier? Ben moi, je te dirais, faut que tu l'écoutes le premier parce qu'il va à peine être vu. T'as jamais écouté le premier? Non, ça va à peine être vu. C'est très bon, le premier. J'ai la misère de trouver ça crédible. Ah non, non, au contraire, man, il est très crédible. Et en plus de ça, l'histoire, elle est crédible. Non, oui. Un gars d'action. C'est parce que c'est pas juste de l'action. Il est aussi en shape que ça, le gars. Il a même pas besoin d'être en shape pour qu'est-ce qu'il fait, man. Il est imposant. C'est fucking Schindler, man. Come on. Ouais, mais pareil. Je sais pas. Moi, Schindler. Il est pas cut. C'est pas The Rock, là. The Rock qui revient, qui crée une volée à tout le monde. OK. Non, non, il est très crédible dans son rôle. C'est Schindler qui va la voler. Qui va la je voler sais pas. C'est Liam Neeson. C'est Quine Jean. Quine Jean. Quine Jean. Dude. C'est aussi Zeus. C'est aussi Star Wars. Ouais, mais. Fait qu'on s'entend que quand tu réalises que t'as volé ou t'as kidnappé la fille de Zeus slash Qui-Gon Jinn de Star Wars slash whatever. Slash toutes les autres. Schindler. Non, honnêtement, gars, le gars, il est shot. Là. Il est pas fait. Tu vois, la meilleure affaire que je peux te suggérer, c'est de check, là, puisque j'écoute ce show-là ces temps-ci. Mais check la scène, là, fais juste googler là, Liam Neeson does comedy avec où est-ce que tu le vois en train de faire du sketch comedy ou il essaie de faire du improv comedy. Hey boy. Puis man, c'est bon là. Mais ça je trouverais, tu sais, je le vois plus dans ça justement comme Liam Neeson dans des fight scenes là, c'est ça, j'ai de la misère à imaginer. Non, il est vraiment ouais, bon, mais... il rend bon. Autre qu'avoir une chance de lightsaber. Donne-y une chance, ça, donc, va à peine. J'ai jamais vu le 1, fait que là, je commence par le 1, mais j'ai vu les memes tellement de fois, là, qui étaient au téléphone, là, pis que... Ben, c'est parce qu'il casse ce shot-là, pour vrai, il dit au monde, I will find you, and I will kill you. Ouais. Mais tu sais, pour dire Iron Man, on a encore dévié... Ouais, mais on est réputé pour ça. Après trois épisodes... Tu es dans Iron Man? Non. Trois, non, j'ai juste vu le. Hey, lui, il aurait fait un meilleur Mandarin. Un meilleur Mandarin, moi aussi, je pense. Mandarin, c'est ça. Il aurait été bon en Mandarin. Mais je croyais que c'était lui pendant 30 secondes. J'ai regardé, j'ai assis lui. Non. C'est le gars qui fait le. De toute façon, il n'a pas le choix d'avoir un Asiatique. Il manque une coupe de yeux bridés. Dans Prince of Persia, là. Ah, j'oublie son nom, là. Ça va me revenir. Gandhi, tu sais. Ouais. Mais il est quand même en shape là-dedans, Mandarin. En tout cas. Tu pour dire. Il a-tu toutes ses bagues comme Éric Lapointe? On voit pas dans le trailer, on voit deux secondes. J'ai pas vraiment regardé les bagues, mais tout ça pour dire que bon. T'as peur, Éric Lapointe a des bagues? Il se base sur Mandarin, justement, je pense. Ouais, c'est ça, son héros d'enfance. Tout ça pour dire qu'ils ont sorti la. On voit Mandarin dans Iron Man 3 dans le trailer? Ben, tu vois aussi Iron War Machine Patriot Guy. Moi, mais ça, j'allais dire qu'il y a beaucoup photos, de. Là, mais j'ai pas Iron vu, War Patriot Machine Guy. C'est un peu un clin d'œil. Ah oui, Civil Wars. C'est ça, Civil Wars, non, que t'as. C'est Dark Avengers. Oui. Ah, avec Osborn. Yep. Ce qui est aussi, c'est que Sony ont les droits de Osborn, donc. Pour ceux qui connaissent Eric, qui écrit à tous les 30 secondes en passant, Sony ont les droits de Osborn. Il drop ça, la conversation peut parler de n'importe quoi, puis il va le dropper. Mais bon, Green Goblin appartient à Sony. C'est ça. Ouais. Mais plus qu'Osborn, je pense pas qu'Iron Patriot, techniquement, appartient à Sony. Non, ouais, juste Osborn. Parce que c'est Green Goblin, ouais. Ouais. N'importe quoi, ça. Mais ouais, Iron Man 3, ça, j'ai hâte. Ça hein. Va être. En tout cas, le trailer, tu regardes ça, puis c'est le downfall de Iron Man. Fait que c'est mais très... non, ben, il... mais c'était quoi la bande dessinée? J'ai pas live la bande action. Dessinée, so I don't know. C'est Extremis. Ouais. Mais c'est le projet Extremis, si je me trompe pas. C'est ça, là, ça va l'air cool, ça. Ben, c'est très bon. C'était une heure, puis c'était en 480. Hey, man, je suis rendu vraiment à une étape de ma vie où j'ai ouvert ton lien, là, puis j'ai fait, c'est 480p. Puis là, j'ai skimé, puis j'ai fait, fuck that. C'était en 720p, je l'écoutais non, là. Mais 480p, j'ai fait. Mais t'es pas rendu à un moment où ce que tu fais le même search suivi par, je sais pas, HD. Même pas, man. Tu trouves... Même pas, man. J'étais trop paresseux. T'es juste fait fuck that. Man, il va se faire apprendre une leçon. Et crois-le pas. Mais je prédis qu'à un moment dans le film, il va revenir avec plein de puissance puis un autre pouvoir, puis il va sauver le monde. Moi je pense que... J'ai-tu spoilé Iron Man 3? Sais-tu qu'est-ce que je pense? Fais-me pas sortir tu le spoil. Moi, je suis sûr que Rescue va faire son apparition. Tu penses que Rescue va faire ça? Ben non, c'est... ils mettent un petit peu d'enfer sur War Machine. Là, ouais, mais Pepper Potts est dans la marde dans le trailer à peu près à 3-4 fois. Fait que je suis sûr qu'il va y sortir Rescue juste pour la sauver. Juste pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Rescue? Ouais, c'est comme le saut que Tony Stark construit pour Pepper Potts, dans le fond. Là. Oh, ouais. Ils ont tous des sauts. Ils ont tous des sauts. Dans le futur, tout le monde a un saut. T'as pas le tien, toi? J'ai le mien, ouais. Ok, good. Je le porte, tu vois pas. Oui, oui, effectivement. Ah, il est invisible? Non! C'est ça! T'as mis ton Invisible Shield? C'était ça, quand t'es allé aux toilettes tout à l'heure, le gros bruit. C'était long. Ouais. Mais il y a de la très bonne, moi je trouve qu'un Patriot était écœurant. Ouais, ben, non, il a l'air vraiment cool. Patriote, mais bon, je t'écoute quand même. Mais écoute, c'est legit quand ça vient à une machine qui est sponsorée par le militaire américain. Mais c'est ça que je me disais. Puis Disney, là, on se le cachera pas, là, ils font America Pride pas mal hardcore. Quoi? Avec les Avengers. Ben oui. Disney? Arrête. Hein? Quoi? Ok, là, t'es sarcastique, là. Non. Parce que c'est Disney qui contrôle ça maintenant. Tu ouais, sais, Buena Vista Studios, Disney. Ben c'est Disney là, qui appartient à Marvel. Non, je savais pas. Presque 10 ans. Là, ouais, je savais pas. Ouais, c'est Disney. Puis Avengers, c'était la première partnership 100% Disney. En tout cas, on l'a remarqué avec le DVD Blu-ray et le Blu-ray DVD. C'est pour ça qu'il y a des sorties aussi de que Marvel. Que tu peux acheter pour 34$ ou 34$. Attends un peu, là, lequel que je prends, je sais plus. Non, mais c'est-tu pas le signe ultime que le Blu-ray, ça a pas explosé comme qu'ils se le pensaient? C'est rendu qu'ils font ça. Là. Je n'ai pas un film Blu-ray chez nous. Hey, j'en ai plein, moi. Ah, moi j'en ai plein aussi. J'ai jamais vu la différence. Mais c'est, quoi? Mais là, c'est ça. Même Disney sont rendus que t'es tous bien de pas la savoir parce que t'as les deux options. Honnêtement. C'est rendu qu'ils package des Blu-ray avec des DVD. Mais ça paraît, la différence paraît. Là, ouais. Non, j'ai jamais été un fan. Non, mais il y a une différence. Voir la qualité non, d'image. Moi non plus, j'ai jamais été bonne là-dedans. Je suis comme, OK. Mais ça paraît pareil. Tu le vois là. Tu sais, comme tu me dis, plasma, puis LCD. Ben ça va dépendre de la lumière ambiante, puis du reflet que tu vas avoir sur l'écran. Je suis au Future Shop, je suis là. Je suis vraiment confus. Quelle TV prendre? J'ai aucune idée quoi prendre. Je suis comme, ben ça, le best dans ce temps-là, tu dis à qui tu peux acheter. Tu sais, tu vas regarder, puis là, ben salut, j'ai 1000$, j'achète quoi? Puis le gars, si t'es chez Future Shop, va en profiter. Si t'es chez Best Buy, il va te poser des questions. Non, mais c'est ça pour vrai. C'est le trademark. C'est qu'il y a une compagnie qui t'aide, puis il y a une compagnie qui abuse de toi. Puis l'autre qui l'est pas. C'est ça. De toute façon, ils sont pas pareils. Nous, Best Buy et Future Shop, c'est pas la même compagnie. Non. Mais donc. J'ai toujours entendu dire que c'est la même compagnie, puis que. J'ai toujours entendu dire que c'est la même compagnie. Je sais même pas c'est qui ces compagnies-là, moi. Puis que. Ouais, c'est vrai. C'est j'ai entendu dire que Future Shop avait développé Best Buy pour annuler toute compétition. C'est un peu comme Archambault et Microplay, tu sais, on sait pas. C'est ça, là, ok, bon, merci d'avoir répondu à ma question. Merci. Écoute, c'est toutes sortes de compagnies. C'est une toile de compagnies. Ouais, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, cette semaine, au menu, on va démystifier quelque chose d'important ensemble. Quelque chose qui est vraiment vital pour le peuple geek. Film basé sur des jeux vidéo. Et vice-versa, non? Et jeux vidéo basés sur des films. Okay. Là où ça fait mal. Mélanie a des frissons, puis c'est le pas à cause de l'air climatisé. Non. Mais vous savez qu'avec moi ici, là, je vais vous sortir les bons exemples. Mais c'est ça, mais le pire, c'est que j'ai comme l'anticipation. Je m'en venais, puis je me suis dit, hey, attends une minute. Eric a recherché. J'ai même pas besoin de rechercher. Eric va juste comme nous sortir des faits divers. Mais attends, Eric, j'ai une question pour toi. Il me semble que j'en ai vu juste un film qui était bien basé avec la vidéo, puis je me souviens pas c'est lequel, puis tu m'en avais une coupe. Prince of Persia. Ouais, chacun basé avec le jeu vidéo. Ouais. Mais je pense qu'on devrait y aller. Chacun dire que c'est ça. Deux, trois exemples de, ouais. de ceux qu'on a. Puis qu'on parte en table ouverte. Ok, je vais dire en premier. Ok. House of the Dead. Moi, attends, mais ça, c'est un bon ou un pire, ça? De la merde! Moi, okay. Il est dans ma liste de bons, ça. Mais non! Hey, je regardais ça, là, les 20 premières minutes, j'étais là. Tu vois, moi, quand ils m'ont sorti, là, le FPS, là, j'ai fait. Check bien ça. Non! Ouais, mais attends, techniquement, c'est pas un FPS. C'est un rail shooter, c'est pas un FPS. C'est basé sur des B-movies. Mais c'est ça, c'est un B-movie, hein, de House of the Dead. Mais c'est basé sur des B-movies, le jeu. Mais résume-moi l'histoire du jeu en particulier. Ça, c'est vrai. Résume l'histoire de House of the Dead. J'ai joué aux arcades, c'est des zombies. C'est un jeu d'arcade que tu fais juste tirer sur des zombies. Non, excuse. Tu perds ton petit change. Moi, je fais pas juste tirer sur des zombies dans House of the Dead. Je perds à peu près 12 piastres. Continue. Puis après cette 12 piastres-là, t'as aucune idée c'est quoi l'histoire à part avancer après avoir tiré sur des zombies. Sauver du monde. Mais ça, là, tu... Tu apportes un très bon point, Milter, hein? Ben, il n'y a pas d'histoire, non, fait que tu peux attends, pas la respecter. Mais t'sais. C'est pas une question de respect d'histoire, c'était juste à chier. Ouais, mais attends peu, c'est-tu Huey Ball qui a fait ça? Oui, c'est Huey Ball. Huey Ball que Nicolas a dénommé Salut et Embrasse. Oui, je l'adore. Moi aussi, je l'adore. J'adore Huey Ball. Fantasia, qui a rapport justement quand il est sorti un autre film dont je veux parler tantôt, basé sur un autre jeu vidéo. Lui, il va parler de Postal, puis j'ai un feeling, c'est sûr et certain. Il spoil mon. Ben non, mais écoute, je te vois à face. Non, pleine d'espoir comme un enfant à Noël, je me dis c'est faux Silent non, Hill que je t'ai trouvé bon pas, mais... ça j'avoue Silent Hill serait bon, bon. Ouais. Le même si Eric va pas aller voir le 2 le 26 mais qu'il sort mais désolé mais je vais le voir. Ah oui, ça va à peine, mais Silent Hill j'avoue que c'était très bon, puis je l'ai réécouté récemment en plus puis c'est encore bon. Ouais, c'est un des rares films, j'ai pas peur des films d'horreur, mais ça je me sens pas bien quand je le regarde. Je me sens pas même plafée. Je crie sans défense, ça n'a pas de gun dans le nom de la poche. Puis il y a une grosse tête avec une pyramide, ça ressort, mais avec une hache. Ah, pyramid head. Il me fait capoter, je le regarde, je suis pas bien. C'est recherché. Mais tu sais quoi, ça l'est recherché. C'est un des anciens, j'oublie. C'est pas dans la mythologie japonaise ou quelque chose de même, ça? Hein? Pyramid Head, c'était pas quelque chose de mythologie. Ça se peut, mais le gars, c'est Roger Avery, en fait, qui écrit le premier Silent Hill. Puis Roger Avery, c'était l'ancien writing partner de Quentin Tarantino. Là, c'est... Comment tu fais pour te rappeler de ça? Là? Comment mais tu fais? Ça juste fair. Comme ça. Mais Roger Avery est à la fin de sa carrière un peu. Là. Il y a eu un accident de char sous l'ombre. Comment tu fais? Hey, c'est trop d'informations. Non, mais tu vois, regarde. Hey, le pire, c'est qu'on était assis au début, là, puis on planifiait le podcast. Puis je me suis dit, regarde, ça peut pas arriver sans Eric. Eric, c'est le seul que tu vas lui poser une question sur un film, un jeu, un album de musique. Il te sort l'année, la cause de non, décès. Non, ben, je sais pas de... si c'est bon que ça, mais je me rappelle ben non, des ben, détails. Ben juste oui. Ça, là. Déjà, moi, je me rappelle pas de ça. C'est ça pour dire que, Santil, je trouvais que t'es quand même bien recherché et t'as bien écrit pour ça. Là. Puis tu voyais que le gars, il avait une job puis il était desperate pour faire ce job-là bien puis il avait du talent aussi. Là. Ouais, c'était quand même bien, ça. Moi, dans mes bons films, là, OK, ouais. Il y a... Oh, juste revenir une petite parenthèse. Non, ça me dégage. Tu n'as pas de carré encore, celle-là. OK, gars. Je dois avouer que... OK, spoiler, ça fait longtemps. La fin, il y a comme un genre de King Zombie plus fort. Puis ça, c'est ridicule. Mais le reste okay, du ben... film... Non, mais attends, ça, c'est attends, il y a juste le King Zombie qui est difficile? Attends, ridicule? Non, mais ça, c'est con, plus, je veux dire. Moi, quand... André vient de cogner une tasse de... Une tasse... Une coupe de vin. Mais le bout, moi, que j'aime dans House of the Dead, qu'il faut... OK, ça a l'air absurde, mais qu'en même temps, je trouve ça écœurant. Quand il y a la japonaise là, là-dedans, là, qui a mené son dans l'eau, elle sort de nulle part avec un one suit avec le drapeau des États-Unis. Oh, elle pogne deux mitraillettes, puis elle se met à faire des front flips sur ses mains, là, comment t'appelles ça, là, une grande roue ou quelque chose de la même. Roue? Là, la roue, hein, genre, je suis pas un expert en gymnastique, mais elle fait la roue avec son jumpsuit des États-Unis en mitraillant des zombies. Juste là, moi, j'ai fait comme « wow ». Ouais, je peux comprendre pour des gens de bout, là. C'est absurde de même, non, ouais. Mais gars, le côté absurde du gros maître zombie de la fin du film, j'ai pas vraiment aimé. Non, c'est ça. Moi, c'est plus... tu vois, je l'ai même pas tout complet. Je pense que je me suis endormi dessus. Mais j'ai trouvé ça meilleur que bien d'autres films. Comme mes bons films là, de jeux, j'avais Mortal Kombat. Oui. Que j'ai adoré. Portal. Je l'ai aimé, mais c'était plus jeune. Fait que je l'aimerais plus aujourd'hui. Un film de Portal. Ça, c'était dans d'autres choses. Moi, je m'en allais dire Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'était excellent. Le 1 et le 2, moi, personnellement. Le 2, non, mais je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. La scène de Jax dans le 2 était hot, man. Regarde, c'était un bon fan service. Si Street Fighter. Hey, Jean-Claude Van Damme. Street Fighter, il est dans mes pourris, moi. Personnellement. Street Fighter. Street Fighter. Je trouve ça cool, jeune. Aujourd'hui, je prends un joueur de Street Fighter. Non, moi, je te dis, tu sais quoi, je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle suivre la production Street Fighter. Puis je m'en rappelle de. Tu sais, moi, je m'en rappelle de lire les Game Pro et les EGM, là, quand ils annonçaient que des films s'en venaient dans les jeux vidéo. J'étais toujours excité. Puis Street Fighter, ça en était un. Je vais toujours m'en rappeler, le premier blurb que j'ai lu sur un Game Pro, genre un an avant que ça sorte, c'était Capcom cleared to make Street Fighter, Van Damme to star. Kid avec. Capote. Mind blown. Wow! Van Damme to play Guile. What? Ouais, tu fais comme ça, c'est ça. Ah, mais attends, le pire, c'est que ça, c'était là, back in the days. Maintenant, aujourd'hui, Kid lit sur Internet, film de Street Fighter, mettons, Van Damme to the Kid. T'aurais pas été content. T'aurais été chialé sur le net que... Non, moi, sais-tu quoi, dans le temps, j'étais excité d'apprendre cette Van Damme, puis je m'en rappelle dans mon brain de fucking kid qui aurait dû produire le film, il était pour être Ken, puis l'histoire, c'était pour Century alentour de fucking Ryu puis Ken. Mais non, il y a comme dans la même direction qu'elle avait tous les films de jeux vidéo dans ouais, le mais temps. Ouais, mais Eric, le thème de Guile va avec n'importe c'est quoi. Oh my God, OK, regarde, le meme put aside... Une chose que je peux dire de Street Fighter, puis c'est quasiment comme s'ils savent dans le film. Je sais pas si tu te rends compte, mais le film Street Fighter commence. Plus qu'avant, plus c'est de la merde. Mais oublie pas, c'est que t'es là, t'es en train d'écouter le film, t'es au cinéma, t'es comme, OK, ça marche. T'es comme, oh, Ryu et Ken sont dans un underground bar de Sagat. OK, ça c'est cool. Oh, Ryu est à veille de se battre contre Vega dans un underground fight. OK, sais-tu quoi, je suis vendu. Tank through the door, fucking tout arrête, Van Damme qui sort. This fight's over. T'es comme, ah, oh, that's it, they fucked it. The whole movie's fucked up. C'est le Pride American. C'est un statement, là. T'as le tank qui rentre juste avant le combat, pis t'as Guile, Van Damme qui sort. On ne montrera pas de combat. Oh, by the way, yes, I'm here to fuck up this movie. Mais, hey, y'a Blanca, hey, là. Ben, ça, je m'en ai dit. Blanca, c'est-tu n'importe quoi, ce petit personnage-là dans ce film-là? C'est. Ah, hey, hey, y es-tu vert? Puis, il a-tu ses cheveux rouges? Non. J'aime bien, là, comme famille Adam, Raul Julia, là, et Karen, là. Mm. Mais Raul Julia comme M. Bison, come on. Oh, hey, Raul hey, Julia hey. Comme son dernier film avant qu'il meurt. Hey, il est mort. Raul Julia, il est mort. Ça, c'est son dernier film, si je me trompe. Il est mort. Ben oui, à la fin de Street Fighter, quand tu le regardes, il y a carrément. Gomez Adam genre, est mort. Merci pour Raul Julia. Fait que toute la carrière de Raul Julia. A fini Julia, avec fucking Bison. Fini avec Bison. Hey, c'est chien. Ah, c'est fuck chien. Kiss of the Spider-Woman. Ou, non. Fucking Street Fighter! C'est quoi? Moi, je regarde Bison dans les jeux vidéo là, dans Street Fighter 2. Je l'imagine en genre de grosse face carrée de russe avec son chapeau ou je sais pas quoi. Dude. Fucking Dolph Lundgren aurait dû jouer Bison, man. Déjà, il y a plein d'affaires qui auraient pu être changées là-dedans. John Travolta aurait pu jouer Bison. Ouais. Plus que Raul Julia. Mec, John Travolta arrête de jouer un méchant qui rit pour rien. Il va être prêt pour faire ce rôle-là. Ouais. À chaque fois qu'il y a un rôle de méchant, il est fucking crampé. Non, mais c'est vrai, hein? Non, mais il a fait un extraterrestre qui riait pour rien. C'est John Travolta. Dans quel, ça? C'était pas Battlefield Earth. Tu veux dire le sci-fi basé sur la scientologie. Les Mormons. Les Mormons. Non, les ça c'était Orgasmo, qui était un film très précis. Ah, Orgasmo, il rit des Mormons? Ben non. Non, mais j'avais oublié. C'était, non, c'était des Mormons, mais ça, on me promène au début, puis ils parlent. Lui, il est un Mormon. Ben oui, c'est ça. Ah, mais ça l'explique un peu pourquoi leur fascination pour faire The Book of Mormon, en plus. Il y a aussi, dans les films, que moi, j'ai trouvé très drôle, tu sais, quand on parle d'absurde, Dead or Alive. Hey, ça, j'ai aimé ça, moi. Moi, j'ai aimé ça. Moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça. Non, mais c'est parce que si tu veux faire un bon film basé sur des jeux vidéo, t'as deux options. Soit que tu dramatises ça au bout, puis t'as un énorme respect pour le matériel, ou fuck tu t'assumes. Ouais. Ou tu fais fuck it. C'est puis... ça. Let's go. Dead or Alive, c'est assumé. Là. Ouais. Tu sais, du premier combat, tu sais, des premiers bracelets qui se font mettre que that's it, la minute que c'est nommé. Tu sais, quand que Presley, Jamie Presley? Jason Presley? Non, la fille, là. La fille, Jamie Presley. C'est ça. Ouais. Man, quand elle se bat avec son père, c'est-tu pas n'importe quoi, ça? Mais j'étais crampé tout le long. Mais ce film-là, là, c'était quoi. Juste comme, bon, OK. Mais ça manquait de boules, par exemple. Quoi? Ça manquait de boules. Quoi? Je sens qu'il n'y avait pas assez mais de boules. Il y avait des boules, mais... Il y en avait, mais il y aurait pu en avoir plus, comme dans pas mal tout ça, ça, on ouais, est ça. Down ça, peu. Ça rentre d'un film qui était sorti en Europe, là, comme 6 ans, puis... Hey, j'écoutais ça, je m'en rappelle, en allant à Kingston, sur mon PSP. T'es Dead or Alive sur ton PSP? En allant à Kingston. En allant, ouais, important. Important, parce que tout le monde a du fun en allant à Kingston. Moi, en allant à Cuba, là, en avion, j'écoutais la biographie, le documentaire sur Jake the Snake Roberts sur mon PSP. Je l'ai encore chez nous en ça, UMD. Man, c'est tellement win, ça, ça n'a pas de sens. Ben, je suis sûrement la personne qui a le plus de films UMD au monde. En tout cas, dans ceux que je connais, je attends suis... Attends une seconde, je suis prêt à me challenger. T'en es combien? Oh, watch out, hein, Rick peut te surprendre. Un bon 12. Tu vois, je pense que je suis pas loin du 12, moi aussi. Il faudrait que j'ai sorte. Mais j'en, moi, j'ai des classiques. J'ai juste de la qualité, moi. Kill moi Bill, Shaun of the Dead, Bill, Avengers, des cassins de même. Avengers. Un cartoon d'Avengers. Ah, le cartoon c'est comme d'Avengers. Ouais, je l'ai aussi en Blu-ray. Non. Moi, j'ai non, ça, tu me fais chier. Mais pour mais revenir ouais, ouais. Au film de jeu, moi, j'aimerais oh, juste en parler d'un qui me tient à cœur personnellement. Puis... So, tellement mauvais qu'il en est bon. Super Mario Bros. Ah oh, oui, oui, je l'ai vu. Il était tellement. Hey, écoute, ouais, regarde. Il m'a frustré ce film-là dans mon enfance. Il m'a frustré quand j'étais jeune, fait qu'à Non. Hey, regarde. Moi, je quand pour la une chance. Quand il danse sur Was Not Was, Walk the Dinosaur dans le bar, là, man. C'est de la pure magie. C'est n'importe quoi. Okay, c'est en même temps. Non, c'est sûr que c'est. Non, mais regarde, hey, ils ont des Super Scope à un moment donné. Puis je me rappelle, j'étais jeune, je jouais au film, j'avais un Super Scope. Puis j'ai fait, hey! On connaît le film. Là. Mais moi, c'est que absolument comme. Il y a rien de Mario là-dedans. Là. Mais c'est justement, mais c'est tellement pas bon que c'en est bon. Ben c'est comme E-Man, ok, c'est pas basé sur un jeu, mais ça a tellement aucun rapport avec les bonhommes qu'on écoutait là. C'était moi, bon ça. Déçu quand j'ai vu ça au cinéma. Man, t'écoutes le film pendant deux minutes. E-Man qui se promène à Continental. Je me rappelle que c'était Dolph Lundgren qui était là. Je me rappelle quand j'étais kid à parler de ça dans le parc en face de chez nous là. Ça va être Dolph Lundgren qui va être E-Man. Ça fait tellement après deux minutes, il était pas téléporté dans New York des années 80. Il se promenait à Continental qui était low rider. Qui jumpait quasiment avec la musique. C'est un film qui a pas rapport. Se fait jacker puis son radio. Autre, mais Mario, ça m'a marqué. Puis. Fait que juste pour noter, Mario, c'est dans tes meilleurs, toi? Ben, ouais, mais c'est comme un entre-deux. C'est tellement pas bon que c'est bon. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'aime House of the Dead, justement, dans un sens. Tu sais, c'est. Ouais. Hein. C'est tellement over the top, ridicule, que ça en est. Pour moi, ça en est bon. Ben, tu vois, regarde, dans la même lignée que ça, Doom. Quand The Rock. La scène 3D, là, où il se promène. Hey, quand ils font la scène first-person shooter est horrible, puis quand The Rock devient méchant, hey, je viens de spoiler Doom. Je m'excuse. Il est méchant, The Rock, là-dedans. Ok, il est pas crédible pour 5 scènes. Bon, c'est The Rock. C'est horrible. Même dans la lutte, il est pas crédible quand il est méchant. Ben, ça dépend. Dans The Rundown, il était popé. Ouais, Run Down, c'était bon. Hey, le film qu'il a fait avec Johnny Knoxville aussi, là, c'était quoi, là? Quand il revient dans sa ville. Deux genres de Walking police, Tall. Ouais. Walking Tall. Ça, j'ai aimé ça, puis je l'ai vu au ciné. Ça. C'est un remake. The Fairy Tooth aussi, tu sais. The Fairy Tooth. En passant, c'est meilleur que l'original. Fairy, parce que les remakes, c'est toujours mieux que les originales, de toute façon. Ouais, surtout celle-là. Il y a Johnny Knoxville, pour moi, c'est bon, là, aussi. Là. Ben, ça dépend. Hein. Men in Black avec Johnny Knoxville. Ouais, c'est mieux que le 3. Men in Black, ouais. J'ai aimé le 3, moi. Moi, j'ai même pas vu le 3, mais je suis sûr que c'est mieux le 2 que le 3. Oh, non, mais là, tu viens. Qui est mangé une marge. Ça, c'est du Permilter. Ah, ouais. Je l'ai pas vu, mais je suis sûr que. C'est de la merde. Ben, j'ai juste entendu qu'il est bourré d'incongruités et de loups. Attends, un film à propos du voyage dans le temps qui est bourré d'incongruités. C'est ça. C'est toi, il te faut des moments Austin Powers où il regarde la caméra et il dit en passant, tout ce qui va arriver fait aucun sens, enjoy the ride. Ça, j'aime. Faut qu'il y ait le disclaimer. J'aime ça. I love cool. Quand il se prend au sérieux là, puis qu'il manque des bouts, là, j'aime pas ça. Ouais, mais c'est blague, tu te prends pas au sérieux. Autre film, par contre, qui m'a brisé le cœur puis qui avait du potentiel, Max Payne. Moi, je l'ai pas aimé, moi. Ben, j'ai trouvé ça correct, mais c'est que je suis sorti de la salle, j'ai fait. Ouais. Tu veux que je te dise pourquoi je pense que j'ai trouvé ça bon? T'as pas joué à Max Payne. Non. J'ai joué à Max Payne. Mais là, ok, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas Star Wars ou Lord of the Ring, là. Il n'y a pas un prix d'écriture ou peu importe pour ça. Là. Mais c'est un film de pure action, si on peut dire. Là. Il y a quand même du gros gunplay puis des affaires de même. Wow. Fait que si tu veux de l'action. Ouais, puis, je venais de voir Hitman il y avait pas longtemps avant. J'ai aimé ça, Hitman. Moi, j'ai trouvé cool. Ça pourri. Moi, j'ai aimé Hitman. Tu sais, les gouttes, là, comme dans le train, là, avec 6 katanas autour de la gorge. Avec le code d'honneur. Hitman, là, c'est puis comme The Transporter. J'adore la signature Hitman. Ben, c'est correct. En cheesy, c'est ça. C'est cheesy. Hein. Ben, en tout cas, j'ai trouvé ça très... Mais Max Payne, moi, tu vois, la seule affaire que j'ai trouvé pas, c'est comme... Ils ont fixé sur le fucking bullet time... Ouais, puis ils se sont dit, comment on fait ça? Alors, on va pas gagner une dope. C'est on va le faire jeu, halluciner. Là. On va mettre des anges. On va mettre. Mais c'est ça, mais c'est parce que ces hallucinations, là, c'est too much. T'as enlevé les hallucinations, là, puis le film, il aurait été correct. Le problème avec une adaptation de Max Payne, c'est que l'histoire était correcte, direct en partant. L'histoire était déjà correcte, exactement. C'était pas une histoire folle, c'était une histoire bien normale. C'est ça. Puis ils ont essayé de revenge story dans un sens. Là. Mm-hmm. Ben, c'est un revenge story at its purest form. Ouais. Mais c'est comme un vieux film de Charles Bronson, mais dire Max Payne là, tu sais. Ouais, ouais. C'est que j'ai trouvé ça bon. Là, vous coup, en avez négligé un très important. Lequel? Resident Evil. Moi, je l'ai aimé. Bon, moi, j'ai aimé Resident Evil. J'ai aimé le premier. Le deuxième, je l'ai aimé aussi. Quand il se bat contre la Nemesis, puis tu te quittes, là. Ben, moi, j'ai juste. J'ai aimé. Mais ça, c'est dans, la zone de s'assume. Je dois avouer. Ouais. Moi, j'ai juste vu les trois premiers. Si je l'avoue, là. J'ai décroché après le troisième. Ben, moi, j'ai juste pas aimé quand ils ont commencé. Ils ont fait comme à partir de maintenant. Ben, même pas à 3D. Moi, c'est plus. C'est con, là. Mais c'est vraiment le fait. Ben, à partir de maintenant, là, le virus a ravagé la planète. Puis là, toute la planète est à scrap, puis c'était rendu un désert. Pourquoi il n'aurait pas juste pu continuer que. Ouais, n'oublie pas que le héros principal n'a jamais apparu dans aucun des jeux. C'est ça aussi que. aucun des films, tu veux dire. Aucun des jeux. Ben non, l'héros du jeu, du film n'est pas d'un. Ouais, mais ça, à la limite, je trouvais ça intéressant parce que justement, je trouvais ça respectueux de lui. Parce qu'au début, qu'est-ce qu'il a dit Anderson? Il a dit, puis c'était pas fou, il se dit, je vais te faire un film avec Chris. Puis, j'en reviens pas que j'ai un blanc. Jill. Quand tout le monde sait exactement qu'est-ce qui leur arrive, il dit non, je vais faire quelque chose qui se passe en même temps ou un peu avant, puis qui va rentrer dans la lignée d'histoire de Resident Evil. Le premier film était parfait pour ça. Le deuxième, il rushait un peu, sauf qu'il était pas si pire que ça. Après ça, la terre entière est ravagée, puis là, c'est rendu tout le monde. Là, Extinction, rendu... j'ai décroché. Ah, ben c'est là que j'ai décroché. Ben c'est ça, mais c'était rendu trop. Ouais. C'était rendu trop. Mais le premier puis le deuxième, je les ai trouvés intéressants. Jusqu'à temps qu'il y ait quand la ruche. Dans la maison, là, si on peut dire. Là, c'est des zombies, puis tout. Puis c'est vraiment un bon début de film. Jusqu'à temps que, puis je me souviens, là, c'est carrément un bout où il marche tout sur un genre de poteau là, pour se rendre à un trou. Là. À partir de ce moment là après cette scène-là, le film commence à être plus vers le 2, justement, puis à être moins hot, parce que là, ils sont comme dans la base et non plus dans la maison et tout. L'ambiance, ça change carrément, puis à partir de là, j'ai fait « Ah, c'est un Mais peu j'ai aimé bon. Ça cool qu'ils mettent la Red Queen. J'ai aimé ça cool aussi. J'ai aimé ça cool. J'ai trouvé ça cool qu'à la fin du film, tu sais, c'est comme... ils disent « Put him in the Nemesis program. » Puis là, t'as comme les petites affaires qui poussent, puis tout ça, j'ai Mobius, j'ai trouvé ça cool. J'ai aimé le fait que tu aies la mansion au-dessus du hive puis les affaires de même. Ben, pis, c'était très respectueux. C'était bien fait. Puis il y a un paquet de monde. Puis ça, c'est une affaire. J'ai remarqué, là, les fans de Resident Evil, puis j'en suis un. Là. Les fans du jeu ou les fans du film? Des jeux de Resident Evil. Ou des livres, même? Même les livres. J'ai lu les livres, j'ai joué les jeux. Puis je trouve c'est une catégorie de fanatiques qui va fitter avec les fans de films d'horreur, puis sont très réticents au changement. Ouais. Puis c'est ça que je trouve tough, puis j'haïs ça parce que là, t'as un paquet de monde qui écoute, puis ils se disent, Chris, arrête de nous juger, c'est pas vrai. Puis non, c'est vrai, ça a changé, puis c'est vrai, ils ont changé telle affaire, puis t'inquiète. Mais à un moment donné, là, c'est un jeu basé au travers d'une conspiration underground. Puis direct après le premier jeu, ben, il arrive tellement de problèmes, puis de cas, qu'ils sont obligés de nuquer une ville pour pouvoir cacher les preuves, puis t'inquiète. C'est sûr qu'à un moment donné, le monde était au pourquoi. Tu parles pas d'Outbreak, là? Ok, on reste on parle toujours Resident Evil, excuse. C'est ça. Oh, ouais. Mais je parle du fait. Comment je peux dire ça? Je parle du fait, tu sais, regarde. C'est tellement des jeux. C'est le what if. Fini aussi. Ben, c'est l'histoire ça. Du jeu, dans un sens. Là, c'est comme ben... un peu, tu sais, comme. Ok, je reviens à House of the Dead encore. Puis même mon autre exemple du même gars, Postal, là. Mm-hmm. C'est quoi la vraie histoire complète de Postal? Le gars qui veut son chèque. C'est ça, l'avait pas. Ça, non, il veut son chèque. C'est ça. Il se lève, il va au dépanneur. Puis il veut son chèque. Il fait la joke dans le film, mais le reste du film, c'est du n'importe mais si quoi. Je peux dire de quoi Postal, là? Le film ou le jeu? Le film. Puis on dirait qu'est-ce qu'on veut de Uwe Boll. Moi, je l'adore. Il est qu'est-ce qu'il est. Hey, Far Cry de Uwe Boll. Moi, je l'ai aimé, ce film. J'adore ça, moi. Mais c'est du bon B, tu sais, tu peux pas. Mais dans Postal, là, la scène. De les terroristes qui conduisent vers au début, le 9-11. Le film commence avec ça. Ça, là, c'est une des meilleures. Moi, je trouvais ça ballsy. C'est une des meilleures. Ah, mais il y a des couilles, Yo et Ball, pareil. Là, ce Yo, gars-là, le doux, c'était pas longtemps. Don't give a fuck. Ouais, mais lui, regarde, écoute, il fait un film, le monde dit c'est de la merde. Il dit fuck you, j'en fais un autre. Il refait un deuxième film, le monde dit c'est de la merde. Il dit fuck you, j'en fais un autre. Puis le pire... Mais la scène de 9-11... Tout le monde sort. Mais oui. Pis... C'est du chef-d'œuvre. Mais il se fait tout le temps financer. Il continue pareil. Ce gars-là, je lève mon chapeau pareil. Moi, mettons, du jour au lendemain, le monde il me dit « Hey, ton podcast, là, c'est de la merde, arrête ça. T'es pas capable de parler d'un micro, de rien faire. Vous continuez à trois. » Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est comme je fais ça pour le fun, puis je suis pour me faire ramasser comme ce gars-là se fait ramasser, je vais te choquer. Le gars, il a une détermination de mon gars. Non, je choquerai pas parce que ça, on est bon. Pis... Parce que là, fais attention. Non, non, non. Ben non, je vais me faire troller au bout. Là. Non, mais sans joke, c'est juste que Huey Ball, depuis le début, tout le monde, t'es un trou de cul, t'as scrappé telle affaire, puis il continue, puis lui, c'est comme. Je suis sûr qu'il en rit. C'est-tu la rumeur qui entoure le financement de son film? Il y a plein de rumeurs, c'est, je trouve ça très drôle, que son film, tous ses films sont financés par du Nazi Gold, genre vu qu'il est allemand. Là. Ben, ouais, ben écoute, man, si c'est ça, good for him. Ben moi, je trouve ça très drôle, c'est pareil. Là, c'est parce qu'il y a des tax breaks en Allemagne, ben oui, il fait juste en abuser. Nazi là. Gold, fait que lui... Hey, du Nazi Gold. Mais je peux-tu juste dire la scène des 40 de ce film-là? Ouais. Le gars, là, il se base sur une histoire de jeu qui est « Je veux mon chèque ». Puis dans le film, il a réussi à intégrer une scène, c'est un Oktoberfest d'Allemagne, justement, là, vu qu'il l'est, là, il veut se relier à sa culture. Puis pendant l'Oktoberfest, il y a une gang de hippies puis une gang de terroristes arabes qui arrivent en même temps puis qui commencent à se mitrailler dans la place. Puis c'est un Oktoberfest où il y a une mascotte pour enfants qui est un gros pichet de bière qui est là avec plein d'enfants. Pis les terroristes tirent d'un tas d'enfants qui courent partout, pis que c'est juste, tu vois juste des enfants se faire mitrailler pendant 5 minutes au ralenti, pis c'est exagéré, pis c'est drôle là, mais en même temps, là, oh, man. Ben, c'est, ah, tu sais, je me dis, là, le seul gars, père de qui va faire ça, non, je mais c'est lui qui pousse ça, c'est ironique, pareil. J'étais même pas père encore quand j'ai vu le film, pis j'ai fait comme, wow, c'est-tu qui est drôle d'être game, de faire, tu sais, les enfants. Mais j'avoue qu'il est couilleux, ça, là. Ça paraissait que c'était fake en même temps, on le sait, c'était pas du gore extrême. Mais c'était quoi le premier jeu que tu pouvais tirer sur des enfants aussi, pis c'était super controversé. J'ai jamais joué à ça, pis je veux jouer. Le premier jeu que tu peux tirer. T'as un jeu que tu tires sur des enfants. Wow. Pis c'était cool. Il y a eu un mode dans Fallout. Avait, là, moi, je me rappelle de Blackthorn où que tu pouvais tuer les esclaves. Blackthorn, je l'ai au Game Boy Advance. Ça se peut, ouais. C'est mais lui, je me rappelle, il y avait les moments où tu avais les gars, tu peux les sauver ou les tuer. Ouais, coup de 12 dans la tête, c'est en 8-bit. Et qui a fait Blackthorn, sais-tu? Blizzard, yes sir. Tous les enfants, t'as d'abord Bioshock que tu peux tuer les Little Sisters. Ça, c'est vrai. C'est un très bon point. J'ai tout sauvé, moi. J'ai juste joué au 1, moi, j'ai pas joué au 2. Il pouvait être gentil aussi, pendant que tu savais. Il n'y a pas Silent Hill, il n'y avait pas des enfants ou des petits bébés. Oui, des bébés brûlés, qui rampaient, je sais pas trop. À gros coup de poteau. Des bébés, c'est le fun. Oui, c'est ça. Mais parlant de jeux vidéo basés sur des films maintenant, par exemple, il y en a eu des extrêmement pourris. Mais par contre... J'ai pas dit les miens, moi, encore. Rick, c'est vrai, man. On oublie tout le temps quelqu'un à chaque tour. Je suis pas un bon animateur. Parce que j'en ai plein. Ok, ouais, bon, ben Rick. Mais je vais limiter ça. Rick, vas-y à ton. Tes deux meilleurs, puis tes deux pires. Mes deux meilleurs, puis mes deux pires, qui ont pas été nommés encore. Mes deux pires, Wing Commander. Oh, so bad it should have been mine, man. Oh. Le pire en plus. Ah, c'était pas bon, ça. Avec Freddie Prinze Jr. pis fucking ouais. Serial Killer de Hackers, man. Pis le pire de ça en plus. J'ai là, jamais vu ce film-là. Je veux le voir. Oh, tu veux pas? Non, ok. Non. Vraiment pas. Le créateur, vraiment pas. Le créateur du jeu que son a travaillé sur que le film. C'est lui qui a réalisé et écrit le film. C'était tellement pas il bon. Il s'est dit, je vais faire. Video Game Movies bon. Right. C'était tellement pas bon, là. Non seulement est-ce que c'était pas bon, mais c'est pour moi, étant un grand fan de la série Wing Commander au Super Nintendo, ce que j'ai passé tellement d'heures. Il y avait pas Sega t'as pas joué au PC, aussi. Man. Hein, je l'ai joué. Le premier, c'est je l'ai bon pas joué PC, au PC, man. Mais le 3 puis le 4, je les avais joués au PS1. Puis il était très bon. Puis ça, c'est que t'avais Malcolm McDowell, t'avais Luke Skywalker lui-même. Ouais. Qui jouait le rôle principal. Il y avait un jeu. Ça s'appelle quoi des films, Wing Commander 3 et 4? Hey, je l'ai au j'ai le 3 et le 4 d'acheter sur PSN Network tellement qu'ils me font triper ces jeux-là. C'était t'avais bon, des ça. Interactive FMV, puis... Ouais, c'était vraiment bon. T'sais, moi, c'est, des... quand c'est rendu que ton jeu vidéo a des bonnes histoires, puis que là, tu fais un film qui est poche, tu fuck un peu l'affaire. Mais en tout cas, ton Wing Commander, Puis là, je pense à un autre pas bon. Je peux t'en nommer un bien vite, qu'on a déjà parlé, qu'on n'a pas vraiment reparlé là. Double Dragon. Hey, moi, j'ai aimé ça, Double Dragon. Je l'ai trouvé dégueulasse. Juste sur toute la ligne. Le T-1000, là, en méchant, là, avec sa petite barbichette. Là. Avec le... Pas écœurant. Mais non, mais le film, je l'ai aimé, moi, par exemple. Mais moi, c'était mon après Mario. Je trouvais ça trop cheesy, moi. Fait que j'étais plus content avec l'adaptation de Double Dragon qu'avec Mario Bros. Quand tu compares à Mario Bros, c'est sûr, c'est d'autres choses. Parlant de Mario encore, mais vite, c'était qui les bonhommes avec des petites têtes là, miniatures? Les Goombas. Les Goombas. Ça, c'était un Goomba, ça. Non. En fait, eux autres, parce que les Goombas, c'est supposé être des fucking... Les Goombas, c'est des mushrooms. Ouais. Des mushrooms. Ouais, sauf là-dedans, pour eux autres, c'est des dinosaures. Mode. Ouais. Il y a un Hollywood scriptwriter qui est Reptiles. Reptiles are in. Ouais, avec la machine de dévolution. Puis, Ok, non. Moi je sais pas, je trouve ça. J'avais jusqu'à ce jour jamais compris c'était qui ces bonhommes-là. Genre, Goomba. Là, les Goomba Patroupa. Puis... Goomba Patroupa. Puis le médaillon de Double Dragon, ça pourrit aussi. Ah ouais, il était les deux gars qui se tapent. Arrêtez, ça. Ils n'aiment pas Scott Wolf. J'ai aucune idée c'est qui. C'est le producteur, tu l'aimes pas. Réalisateur. L'acteur? Il a travaillé sur Double Dragon, je l'aime pas. C'est quel des deux? C'est Billy ou Billy, le blond ou le brun? Le brun. Il est foncé en plus. Il était dans Party of Five. Non! Puis t'as raison, même, j'ai l'image qui vient de survivre. Toutes les affaires que j'ai pas écoutées. Dans Go. Ça s'appelle pas le film Go avec Sarah Paulie? Avec trois gars, genre, sa pochette. Là, pis... T'as Sarah Paulie, puis t'as... En tout cas, t'as Scott Wolf, sa pochette. Timothy Olyphant aussi, c'est un de ses premiers films. Tout du monde, je connais pas. Rick, ça a pas de sens, même. T'as IMDB plugué en quelque part. OK, les deux meilleurs, là. Les deux meilleurs, pour moi, ben Mortel, il a déjà été dit. Puis la seule raison pourquoi je dis Mortel, c'est à cause que moi, j'étais un gros fan fini de Mortel. Mortel Kombat. Je m'excuse, je dis Mortel comme si j'étais dans un arcade à Gatineau Mortel en 83. Là. Mais c'est juste le 1, tu trouves bon, toi, pas le 2? Le 2, j'étais déçu. C'était du fan service, le 2, était bon. Mais la faquette, c'est parce que ça faisait tellement de... Mais elle est crampée parce que j'ai dit fan service. Je dois triper sur le fan service sans le savoir, là. Il y avait des panty shots. Puis, des boob shots. Hey, en maillot de bain qui remonte. En tout cas, c'est parce que c'était les premières fois que moi je me rappelle que j'avais vu un bon film basé sur un jeu vidéo que je trippais dessus. C'était bon, Mortal Kombat. Puis je l'avais aimé. Puis en tout cas, il y avait ça. Moi, j'étais allé le voir au cinéma. Puis je capotais. Ouais. Avec la grosse tune de techno qui parle et les bandes. KMFD. Est-ce qu'il a pogné la tune là? Soundtrack écœurant. C'était malade. La tune, j'ai. La toune, elle passe encore dans un bar aujourd'hui, là. Tu vas au fouf, puis ils mettent cette toune-là, tout le monde se lève debout, puis ils gueulent. Oh, ouais, ça, c'est un floor film. Ouais, ah, mais la bière, elle pose en position de combat. Ils pourraient faire jouer Chacaron, Macaron, puis le monde, ils se gueulerait pareil. Man. Des fois, comment ils peuvent vider la place en mettant genre une de club de 50 cents le soir, là. Ils crissent ça, tout le monde. Ok, fuck off, man. Les poils s'en vont, puis. Tout le monde, ça vide la place. Les poils se poussent. Mon deuxième. Puis, Don't Hate Me. Mais Tomb Raider. C'était bon, Tomb Raider. C'est pas pire. Ouais, là. J'ai adoré les deux. Il est numéro 5 bon sur temps. La liste des meilleurs films de jeux vidéo de Rotten Tomatoes, lui, en passant. C'est quoi, tu l'as-tu fait? Puis, c'est dans le bon temps d'Angelina Jolie. Il y a des top positions. Hey, ouais. Hot, il y avait Resident Evil, il y avait Silent Hill, il y avait Tomb Raider, il y avait... Mortel, es-tu là? Mortal Kombat, le premier était là. Puis c'était quoi, les autres? Silent Hill était là. Alone in the Dark, il était même pas dans la liste. En fait, tu me fais par exemple, je t'ai posé la question deux, trois fois, mais j'ai pas suivi quand je pensais à ça, quand tu posais la question. Pose des questions, mais il écoute pas la réponse. Mais, mais les dessins animés aussi, là, si on parle de l'adaptation de jeux vidéo. Ouais, là, comme Sonic en cartoon. Ou Street Fighter, man. Attends, ouais. Sonic, quand il jouait des instruments, puis il y avait des non, non, il y a non, plusieurs non. séries de Sonic en non, cartoon. Non, mais Street Fighter, là, il y avait des estis de bons films de Street Fighter. Ouais, en animé, là. En animé, là, il était très bon. Ouais, mais eux autres, ils respectent les grosses histoires approfondies de chaque character. C'est tout ce qu'on demande. Mais en même temps, ça me fait penser des films jeux vidéo, là, des fois, c'est le hate que t'as sur des films qui sont faits. J'ai une question. Par exemple, Alone in the Dark. What the fuck est-ce qu'on attendait de ce film-là? Moi, j'attendais rien. Puis moi, là, je sais pas, c'est qu'est-ce que les gens s'attendaient là, de Carnby, là, d'un jeu là, laid au bout, qui était écœurant dans le temps, Don't Get Me Wrong. Oh, hein. Mais je sais pas c'est quoi qui s'attendait pour respecter cette histoire-là. Il voulait-tu des pirates à non, mais c'était, à même pas c'était même pas l'histoire. C'était, je sais pas. Alone in the Dark aurait pas dû être fait. Tout simplement. Christian Slater dirait le contraire. Monsieur a besoin de travailler. Okay? Ben, c'est sûr, mais lui, il garde qu'il fasse des téléséries qui soient cancellées après 12 épisodes. Puis qu'il s'en tienne à ça. Un western qui vient de sortir avec Christian Slater. Un western avec Christian Slater. Lui, là. Hey, non, non, mais on s'entend-tu, lui, après Cuffs, là? Donald Sutherland. C'était du downhill. Lui, il a fait, là, c'était quoi le film qui faisait de la radio, là? C'était Pump Up the Valley. Puis il a fait ça, puis Cuffs, puis ça aurait tellement dû arrêter là. Cuff, c'était écœurant. Hey, il couchait avec Mila Jovovich. C'est comme l'apogée de sa carrière, non, là. Non, j'avoue, j'avoue. Mais il y a ce qu'il a fait d'autre, Christian Slater, quand tu y penses, j'avoue, là. Tremors? Ouais, c'est Tremors? Non, c'est pas Kevin Bacon. Ah, c'est Kevin Bacon. Hey, quand tu te fais déplacer par le dude qui a fait Quicksilver, ah, man, fait... t'es dans la marque. Il jouait avec Travolta dans Mes Sommes Tu dans Broken Arrow. Ouais, c'est vrai, il a fait Broken Arrow. Ça, c'est pas si pire, là. Il y a des bouts. C'était pas lui qui faisait le petit, là, le chinois dans Indiana Jones, là. Non, non, non, ça c'est... Ah, si, je savais son nom à lui, en plus, je l'avais checké. Lui, il est rendu chorégraphe de cascade pour plein de petits films de combat fous, hein? C'est quand même cool, tu passes d'acteur à chorégraphe de cascade. C'est lui qui avait les chorégraphies Kill Bill, me semble, non? Quelque chose de même, là, il a fait plein de méga gros films de fous, ah, là. C'est lui, là! Je me souviens plus son nom, je pense qu'il s'appelle Jonathan, en plus, le pays, c'est... J'avais checké ça sur le net. Parce que Kill Bill, c'est le même gars là, de Matrice, pis tout ça, là. Ouais. Ça se peut, hein? T'as vu plein de ses... Mais c'est un japonais, je pense. Non, il est Hong Kong. Ah, chinois, moi. Ouais, I'm not Chinese, I'm Korean! Ah, il était écœurant, hein, ce petit gars-là, là, dans le. Why You Ping ou. Why You Ping? Ouais, Demi-Lune. Demi-Lune. Faut que je fasse la parenthèse parce qu'on parle de Ping. Ça s'appelle ça, la folie de la matrice, pis là, c'était comme Fight Choreography par Why You Ping, whatever. Ils ont sorti The Musketeer. Non. Ils ont fait un film de mousquetaires qui avait des combats à la matrice. Ben oui. Ça fait-tu ça? Ben oui, je l'ai vu dernièrement en plus. Ça fait pas super longtemps. Oh! Hey, Boys and Girls, on commence à déraper. Il faut parler de la manette dorée. Excuse, mais les films de Kung Fu, j'adore. Moi, j'ai vu ça, ça dérapait. Mais le pire, c'est que techniquement, avant la manette dorée, on a oublié le jeu vidéo basé sur les films. Ok, attends, c'est j'en connais, j'en pense même films. Pas. Moi, j'en ai un bon. Ok, on va limiter ça à un ou deux. Okay. Là, on va voir comment est-ce qu'on parce qu'il y en a beaucoup de mauvais, ok? Il y en a eu vraiment beaucoup de mauvais. Tu peux pas sortir vraiment un Kevin Sander parce que c'est pas basé sur un film. Ok. Mon mauvais. Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Wow. Ouais, qui était mauvais. Vraiment pas bon, là. Mais ils se sont même pas essayés. Parce que le film était même pas bon, là. Ouais, c'est ça. Puis le jeu était horrible. Un très bon, par exemple, Chronicles of Riddick. Ouais, Starbreeze Studios au Xbox, ça, regarde. C'était écœurant, ce jeu-là. Faire un lien Starbreeze, là, joue à Syndicate. C'est juste ça que je veux Syndicate, dire. Syndicate, il est bon. Darkness aussi. Darkness, c'était écœurant, mais Syndicate, là, c'est du stock. Mais Syndicate, c'était bon. Puis ça, tu vois, ça ferait un excellent film. Jeu-là, Rosario Dawson, toute la kit, c'est déjà un film. C'était tellement bon, ce jeu-là, Syndicate. J'ai trippé. Hey, regarde, OK. Honnêtement, là, ça, c'est un film en 2012. Une toune de Skrillex, Rosario Dawson, puis une histoire qui dure à peu près... C'est un jeu de 12 heures, fait que tu peux faire un film de 2 heures avec ça, tu sais. Ouais, on s'entend, là, c'est comme c'est un film en 2012. Tu mets un trailer avec ben de la bass puis du wab-wab. Puis, regarde, écoute, tu viens de vendre des millions de billets, là. Non, j'avoue. Moi, j'ai voir, en tout cas. Mais sans joke, Chronicles of Riddick, c'était tellement bon, là. C'était bien c'était fait. Ça a passé en dessous du radar, ça avait. Carrément. Personne n'a joué. Mais c'est comme critiquement, c'était praise. C'est juste qu'il y a personne qui l'avait vraiment. Ouais, mais t'as pas le goût. Tout le monde trouvait ça hot, mais personne n'a joué. Mais parce que le dommage avec les jeux qui sont basés sur des films, c'est souvent si t'as pas vu le film, t'es pas attiré vers le jeu. Fait que ça limite l'auditoire. Mais souvent, c'est des prequels. C'est un petit peu une parenthèse. Parce que c'était Dolph Lundgren qui essayait de faire son genre de meta-universe. Ouais. Puis il y avait Pitch Black qui était un succès. Puis là, ils se sont dit, on va essayer de faire de quoi rattacher tout ça. Fait que là, ils ont fait le avant Pitch Black en jeu vidéo, puis le suivi Pitch Black en film. Puis ils ont essayé de tailler ça. Fait que c'est pas... C'est techniquement, là, je dirais pas que c'est un jeu de film. Bon, okay. Tu veux un jeu de film, bon, on en trouve un autre d'abord, là. Time Cop avec Van Damme. C'est quoi ça, c'était, je t'ai pas dit, on est pire, mais j'ai des bonnes mémoires de ce jeu-là, wow. C'est horrible. C'était le genre de jeu que tu voulais que ça soit bon, puis tu continuais de jouer, puis tu disais, ça peut pas être de même c'est tout le long. C'est le genre de jeu que à ce jour, tu c'est joues sûr qu'il y a un meilleur bout, puis c'est le fun. Non, non, mais c'est ça. C'est pourquoi? Parce que c'est du stop motion de Van Damme. C'est Van Damme qui est pris en shot en train de faire des kicks. Puis... Mais c'était le genre de jeu où tu finissais le premier tableau et tu dis, ouais, c'est impossible. Là. Ça va devenir meilleur. Là, tu finis le cinquième tableau et tu fais, ouais, ça va devenir meilleur. Puis la manette, tu pitches la manette. C'était juste ça le jeu. Moi, j'en ai un bon que je vais dire. Puis ça se peut que bien des gens ils vont aller what the fuck avec moi pour ça. Le Batman Begins. De EA. Il était bon, lui, parce qu'il fallait que tu fasses peur au monde. Man, c'était tell me what you know. Là, ils ont tellement avec ta grosse fait voix. Ça, là, parce que moi, là, un jeu vidéo adapté sur un film devrait juste être le film interactif, le film en interactif un peu. Puis Batman Begins, là, ça l'a réussi, ça, puis t'as des bons assets. Le jeu, bon. Il paraissait bien. Oui. Puis je m'excuse, là, mais je m'attends pas à un chef-d'œuvre. Là. J'ai le film de Christopher Nolan que je peux tomber dessus après. Bon, les éloges à Nolan. Hein? le jeu lui-même était correct. Puis je l'avais quand même apprécié. Puis un autre, en restant dans le Batman Returns au de Super Konami Nintendo. Au Super Nintendo. Il était bon, lui. Là. Écœurant. Puis aussi, il ne met pas à côté Batman Returns de Sega, qui avait sorti au Sega CD. Ouais. Puis qui avait sorti aux arcades. Puis t'avais des séquences de Batmobile malade. Batman au Nintendo, en passant, qui avait une des meilleures VG tracks. La meilleure tune de jeu vidéo. Le stage 1 de 1 là, dans Batman au NES, là, il y avait une des meilleures tunes de Nintendo à vie. Là. Sean Cardon, ouais. Ah, oublie ça. Inspire-nous ça, là. Moi, d'un bon jeu, d'un film, là, je me souviens au Super NES, là. Presque tous les jeux de Star Wars. Super Star Wars, je tripais comme platformer. Puis, Mais ça, c'était des bonnes réalisations. C'était cool. Je l'avais trouvé vraiment cool. Puis d'habitude, j'aime pas ça quand c'est exactement le film que tu joues, genre dans le film, dans le jeu. Mais il était cool, lui. Puis lui, je me souviens. Puis ok, c'est vieux, c'était aussi Super NES, là. Mais c'était mieux dans le temps. On dirait les jeux basés sur des films, c'était meilleur avant qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont tous rushés. Ouais, avec Judge Dredd. Il est bon, Judge Dredd. Robocop, là, que t'avances, puis il sort son gun tout seul, genre, comme on est en train de te dire, ça, c'est un bout du tableau que tu vas tirer, puis essaye pas de faire quoi que ce soit d'autre. Puis sinon, t'avançais, puis à un moment donné, il sert son gun, puis tout d'un coup, tu fesses le monde, tu n'as plus de gun. Ben, hey, Back to the Future au Nintendo. Ça, c'était horrible, j'avoue. Là. La petite toune, j'ai encore. Mais je parle au Super NES, c'était bon. Au NES, il y a plein de jeux basés sur plein d'affaires qui étaient pourries, comme le jeu d'X-Men, puis ces affaires-là. Mais faut que j'en dise d'autres, je m'excuse. Ben, je peux-tu en dire un autre bon? Vas-y avec ton bon. Moi, je n'ai plein de mauvais, mais des bons, je n'ai rarement. Puis le seul autre il a pris bon, des notes en plus. Ouais, là. J'ai une méga liste de mauvais, mais des bons, là j'ai juste Star Wars, puis des nouvelles générations, j'ai juste Wolverine Origins. Ah, il était bon, Wolverine. Il était bon, lui, j'avoue. C'est le seul que je trouve vraiment bon. Parce que si j'y vais bien vite, dans les super-héros, là, Green Lantern, Captain America, tout à chier. Captain America, je savais que Rick était pour venir défendre Captain America. Le jeu de bon. Captain America. Il était bon, ça l'as-tu joué? Ben oui, si je l'ai trouvé assez basic. Puis, je venais de jouer à Marvel Ultimate Alliance 2. Fait que. Peut-être que je trouvais moi, que Captain qu'ils ont America essayé, était plus des, complet là-dedans. C'était des plus proches, après Batman Arkham Asylum, ils ont essayé d'émuler le combat de Batman avec Captain America. Mais Wolverine Origins, moi je me souviens, Mega 64 qui a fait un vidéo. C'était okay. Pissant. Mega 64, pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder sur Google. Ils font des vidéos, puis c'est vraiment drôle. De conneries. Puis ils ont vraiment fait un vidéo en disant, tu sais, comme, hey, t'as-tu vu le film? Ouais, tu joues le jeu. Puis... le jeu était meilleur que le film. Fait qu'ils disaient aux autres, fuck le film, joue au jeu, puis tu vas triper, tu sais. Il était vraiment bon. J'ai été déçu un peu comparé. J'avoue qu'il est mieux que le genre. Ah, voyons, il y a Deadpool avec Ryan Reynolds, t'aurais dû triper. Bon, dans Wolverine, là, dans le film, non, là, non, Ryan Reynolds qui fait Deadpool. Il ne l'appelle pas Weapon X, justement, dans le film, pour pas qu'on accède. Non, il l'appelle Deadpool au début, puis il devient Weapon X après, là. Es-tu d'accord avec Weapon X étant Deadpool? Ben, c'était dégueulasse. Non, là, c'était... En tout cas, Je parlais du jeu qui était bon, pas le film. Parce que je vois déjà, là, je check ta liste de mauvais jeux, là, puis vas-y. Parce Attends, que... ok, fais juste ça, nomme-nous les tous un back-à-back. Ouais, explique pas pourquoi dis back-à-back. Les mauvais jeux basés sur des films, The Matrix. Quel, le premier ou le deuxième? Enter the Matrix. Enter the Matrix, c'était correct. Path of Neo, il était que. Ben oui. Moi, je les ai tous trouvés pourris. Ah, Path of Neo, c'était bon. C'était bon, Path of Neo. J'ai joué PC en plus. Peut-être que c'est le fait que j'ai joué PC qui est pourri. J'étais un fan de Shiny Entertainment, fait que moi, c'est. Ouais, Shiny Entertainment, Earthworm... Earthworm Jim. Voilà. Mais j'aime mais Earthworm Jim, mais j'aime pas Path of Neo. Bon, Path of Neo, c'est okay. Bon. Hein. Prochain titre. Mais, okay. Eragon. Ah, ça, c'était pourri. Ça, j'avoue. J'ai juste joué de même, Nowhere, bien vite, puis j'ai fait comme... Non, c'est pas... Ah, c'est-tu que c'était pas bon, ça? Ben, c'est ça, c'est pourri. Pourquoi qu'un kid qui vient de voir Return of the Jedi décide de faire un film avec des dragons permis de faire un livre? D'accord avec. Anyway, let's go. En tout cas, tous les jeux de Lord of the Rings. Non, il y en avait un qui était bon. Le Third Age, il était bon. Le Hack and Slash, celui-là. Non, le Third Age, il était bon. C'était un RPG, lui. Puis tous les Hack and Slash de EA, j'ai joué avec. Le Hack and Slash Lord of the Rings était moyen, mais je trouvais qu'il manquait de possibilités. Puis tous les autres, je les ai trouvés comme. T'as jamais joué à King Arthur and the Knights of Justice au Super Nintendo, toi, hein? Oui, oui, le genre de RPG, là. War of the North. J'ai joué. War of the North, il paraît qu'il était bon. Bon hack and slash, correct comme jeu, puis c'est un bon side story des films. Mais c'est je trouvais ça basic pas mal. Ouais. Mais j'avoue que je suis pas un méga fan de Lord of the Rings en partie. Next! Narnia. Ça revient un peu dans Ça, ouais, ça j'avoue. C'est pourri, hey, Narnia, là, c'est-tu un feel-good movie en plus? T'es au cinéma, t'écoutes ça, puis t'es comme... Peu importe l'âge que t'as, t'écoutais Narnia, puis tu faisais « Man... » C'est beau. Oui, quand t'es vieux, puis mon fils trouve le cadre jeune. Moi, c'est comme mon mythe épique. Ah, c'était beau, Narnia. Next, le jeu Transformers 1. Le jeu Transformers 1. Le jeu du film Transformers 1. Graphiquement, était plaisant, par exemple. Graphiquement, était cool, mais c'était comme des courses que tu courais un peu. Tu courais après quelque chose. Ah, bon. Les deux autres, le Battle for je sais pas quoi, puis online, puis construire ton robot, ça, c'est épique, c'est nice, c'est écœurant. Mais Transformers, il y a... Ben, War for Cybertron était pas pire. Ouais, mais c'est ça. Tous les autres sont mieux un peu, mais le premier vraiment basé sur le film, puis Sam Witwicky, là, puis tout, là, pourri. Pourri des moi, c'est ton prochain que je veux attaquer. Oh oh. King Kong. C'était fucking hey, bon. King Kong, c'était cool. C'était trop easy. C'était cool. C'était moyen parce que c'était un jeu d'Xbox puis l'Xbox 360 en même temps. C'était un launch title d'Xbox 360. C'était des fameux crossover. C'était ça. Là. C'était un easy cool. 1000 points aussi. Puis, tu sais, c'est. Ouais, mais il était le fun. Il y avait 5 tableaux. Tu passes les 5, 200 points chaque égale les achievements. Là, c'est pas forcément là-dessus. Là, ouais, mais ça venait de sortir les achievements n'existaient même pas. 200 là. Points, j'aimerais-tu ça qu'il y ait des achievements de 200 ben, points? Ben, c'est pour ça qu'il n'y en a plus à Star ben, à cause de ça. King Kong. King Kong puis Avatar, là, on reviendra pas là-dessus. T'en as-tu un autre de même? Wayne's World au Super NES. Je l'avais oublié, lui. Lui, c'est un des seuls au Super NES. J'ai fait comme, what the fuck? Est-ce? Ils ont une grosse tête, ils ont l'air de Bubblehead qui sautent partout. On en parlait dans le char l'autre fois. Tu as vu la review du nerd qu'il avait faite là-dessus? Non. Comment qu'il disait que c'était pas jouable? Ben, c'est dégueulasse. Moi, j'ai des souvenirs de louer ça là, avec mon demi-frère quand que j'allais chez ma mère dans le temps. Là, on se louait des jeux pour la fin de semaine. Puis, asti qu'on sacrait. Il faisait les mêmes bruits que dans on le film. On avait 11 ans, puis on sacrait. Ouais, c'est ça. Ah, c'était pas bon, là. Ils ont essayé d'intégrer trop d'affaires. Puis, en tout cas. Puis, mon dernier, qui est sur ma liste, là, parce qu'il y en a sûrement des centaines de millions d'autres, là. Mais c'est même pas basé sur un film, mais c'était basé sur une série TV. Puis. Toi, c'est pas juste, tu peux lire la liste d'avance, là. Mais celle-là, c'est trop drôle qu'il s'en va là. Je l'ai chez nous, en plus, c'est pas ça. Ben, je l'ai acheté pas cher, je me dis, faut que j'essaye ça, ça se peut pas. C'est quoi? C'est Pimp My Ride. Non! Oh, Xbox, la cover était mauve. Il est tout mauve. Rick, tu t'en vas pas chercher ça dans ta chambre pour vrai, là. Il était écrit en jeu. Tu t'en vas vraiment le chercher? T'as ça ici? Je m'en allais pas le chercher, non. Moi, je l'ai chez nous, par exemple. Je m'en allais faire pipi. Vas-y, Rick. Parce que je t'ai vu partir au même moment. Je me suis dit, ce gars-là, ça va chercher Pimp My Ride. Moi, je l'ai chez nous parce que je l'ai acheté. Ma blonde, elle trouve ça très drôle, écouter Pimp My Ride là, quand ça joue. Puis elle est tellement pas mais le genre. Mais le Exhibit, il est drôle. Ben, c'est ça, c'est drôle. Puis en même temps, qu'est-ce qu'elle trouve drôle? C'est comme, il pogne la style vieille Reagan puis il te met ça en genre de char qui peinture. Avec un jacuzzi. Avec un jacuzzi puis un système de son incroyable, genre. Mais je m'ai dit, quand j'ai vu le jeu, je pense que je l'ai payé 9,93 nouveau, là. Oh non. J'ai dit, je peux pas acheter ça. Puis en plus, j'avais un deal, parce que je travaillais dans le magasin qui le vendait dans le temps, en plus. Fait que genre, il m'a coûté 7$. Ah, pimp. Fait que j'ai acheté ça, puis c'est le pire asti de jeu au monde. Déjà, j'ai les jeux de char, là. American Shoppers? Oh fuck! Ok, j'ai pas joué à American Shopper. Oh mais, non! Hey, c'était vague de films, de jeux de Discovery, jeux là. Jeux de série bon. TV. Il y a un Deadly Catch. Il y avait un Monster Garage oui. au PC, ouais. man. C'était horrible. Mais c'est quoi le but? Tu te montes un faux char, aussi, hey. Un Monster Truck? J'avais fait une tondeuse explosive, je me souviens plus de quoi. Quoi? Ah, oh, regarde, Monster Garage au PC, c'était horrible. Là. Des bons jeux basés sur des séries que pour moi, par exemple, The ouais. Simpsons, le Hit and Run, tu parlais. T'es écœurant, ça. Je le trouvais que. Ok, c'est sur le film plus, là, mais c'est un bon jeu de film. Non, Hit and Run, c'était. Non, mais c'est sorti en même temps que le film, par exemple. Non. Puis sinon, South Park. Tous les jeux de South Park. J'avoue que les jeux de South Park sont pas mal. Le seul que j'ai trouvé moins bon, c'est Scott Tellerman Must Die, parce que c'est un genre de platformer avec tous des moves spéciales. Mais le Tower Defense, il était carrément. Le jeu ON64 en first person, que tu pisses sur tes balles de neige pour le donner. Pas juste power. Lui. Le premier jeu, moi, que j'ai. Je m'en rappelle, là. Premier job en service à la clientèle que j'ai eu dans le domaine du jeu vidéo. Chef's Love Shack. Au Nintendo 64, que je faisais jouer ça au début. You and me and her simultaneous loving, mon gars. Là. Il chante sa tune au début. Suck on my chocolate salt. C'était un trivia show de South Park. C'était écœurant. Là. C'était, Mais c'est pas un jeu. Un jeu, mais un trivia. C'est comme un Jeopardy de South Park. Hey, j'ai pas joué à ça. Fait que là, parlant de jeux vidéo, Mélanie. Yes. Ah oui, j'ai oublié que Mel ne l'a pas fait. De quoi ça? De tes jeux. Non, elle a commencé. Elle a dit House of the Dead qu'elle aime pas ça. Ah oui. Ah non, on est pas rendu, on est rendu à la dorée. Okay. Ouais, je voulais savoir. Dernière adaptation. Ok, Rick. Vas-y, ton dernier. Dernier. Demolition Man. Oh! Au 3DO. Ça, c'était bon ou pas bon? Oh, au 3DO, il était bon. Avec Sylvester Stallone, qui était ton bonhomme de shooter. Avec les scènes du film. Je m'en souviens. Moi, je m'en rappelle encore à ce jour comme c'était un des moments les plus épiques de jeux vidéo de ma vie, de voir le fucking film live dans mon jeu. Ah, c'était fou. Et ensuite, voir Stallone en tête, en train de tirer pour toi, puis en train de faire des cutscenes de « You could have done better. » En tout cas. J'ai oublié que t'as mis ta Stallone. On va se dire, avec vite, Rodeo, c'était un flop. Hein? Wow, Daedalus Encounter avec Tia Carrere. Oh, ouais. Purple the Rapper. C'était pas au. Il est sorti le premier. Ah, c'est vrai, c'était au 3DO, ça, au début. Il y a un jeu que. Attendez, un jeu, je me souviens, je suis obsédé avec ce jeu-là, je sais pas c'est quoi le nom. T'es dans un tunnel de couleurs. Puis... Sewer Shark. Puis tu passes des pitons, il y a des fleurs, des étoiles qui apparaissent. Non. C'est juste ça. Comme Deadless Encounter. C'est juste ce jeu. T'es dans un tunnel, puis il faut que tu fasses plein de couleurs. Y avait-tu Tia Carrere dans le jeu? Y a rien, y a juste ça. C'est un tunnel de couleurs. T'appuies sur une touche, ça va être des étoiles. T'appuies sur une autre touche, ça va être des explosions de couleurs. Puis tu te prends dans un tube, là. C'est juste j'adore ça. J'adore ça, les explosions de couleurs. Mais c'est fuck ça, je m'en souviens. Je jouais à ça pendant genre une demi-heure en même temps, à faire des couleurs, pis ça. Puis mon frère était comme. Attends une seconde, au 3DO. Au 3DO. Man, tu parles. Je me sais pas c'est quoi. Tu vois, elle parle. C'est sur le démo CD. Oui, c'est le démo CD. Puis c'était le music player, ça. C'était les effets spéciaux du music. Non, c'est un jeu, non, je pense. Parce qu'il n'y a pas de musique. Ben, tu sais quoi, c'est parce que tu pouvais faire manuel. Mais si tu mettais de la musique, ça se designait la musique. Mais tu pouvais le jouer manuel. La seule raison pourquoi que je sais ça. Je vais même pas dire. Fait que Mel a joué aux démos de pourquoi musique. Pourquoi tu sais ça, Eric? Je jouais avec le player de musique. Pourquoi tu sais ça, Eric? C'est ma jeunesse. T'avais un 3D. Hey, mais je te jure, mais pour un music player, pour un music player, c'était cool. Je pensais que le music player du studio, là, en tout cas, pas pour aller trop de détails dans ma jeunesse, mais ça faisait des méchants bons trips. Mais c'est ça, je regardais ça, j'étais comme. Et voilà. Parlant de méchants bons trips, Sneak Kings, Mel. Pour ceux qui sont pas au courant, qui n'auraient pas écouté l'épisode perdu, qui est du contenu qu'on a échappé la semaine passée, la manette dorée a été remise à Mélanie avec le jeu Sneak Kings de Xbox 360. Je me suis pas logué de faire un petit chat en bouche, je m'en occupe. Sneak Kings, qui est un jeu marketé par Burger King, où les gens incarnent... en fait, Mel, je vais te laisser nous expliquer ton expérience. Sneak King, ça venait qu'un trio. Oui. tu payes 5$ de plus si tu avais ça, ben je vais te dire, mais franchement, j'aurais mieux le dépenser de 5$ à m'acheter l'autre trio. Oh, oh c'est pas fin ça, Sneaky. Mais en tout cas, je start, là, je regarde ça. Déjà, l'introduction, c'est un film. C'est un vrai Sneaky, c'est un gars déguisé en Sneaky avec un masque de plastique. Ouais. Oh, c'est un live action? C'est un live action dans l'intro. Plus tu le vois comme ça, plus tu le vois, il stalk par la fenêtre. Là, j'étais crampée. Plus il vient se placer devant toi, puis là, il met un plateau avec un burger dessus. Mais tant que t'as pas pété sur start, il bouge là. Au lieu de l'avoir figé, tu vois le gars, il shake un peu. Puis qu'il sortait de pas bouger. Fait que déjà là, j'étais crampée. Fait que ça vaut déjà 5$. Ouais, ça. Ok, bon. Rendez-vous, j'avoue. Puis j'ai regardé ça, puis j'étais comme, waouh. Puis t'as regardé les gars du main. Les mains du gars, pardon. Le gars du main. Le gars du main. Comme ça, puis ça shakeait. J'étais, voyons, non. C'est-tu si cheap que ça? Puis j'étais déjà crampée, puis déjà tu le voyais qu'il sneakait dans une Windows, excusez-moi, mon bilingue. Qui sneak dans une fenêtre. Qui repart, ça pointe des pieds, je sais, wow. Mais le jeu, t'as joué, là. Oui, j'ai joué. Oui. Elle a juste regardé la juste regardé le menu à la fin de Donc, j'ai starté le jeu. En fait, ça se résume pas mal à la même crise d'affaires pendant tout le long du jeu. Faut que tu fies de les gens qui sont affamés. Donc, avec un hamburger, j'espère. Avec un burger, un burrito matin. Burrito matin, un hash brown, un café, de tous les ingrédients sur le menu. Bonus x 2 quand c'est une burrito. C'est chaque mission a sa nourriture. Le pire, c'est que je l'ai cru pour une demi-seconde. Fait qu'elle a fait plusieurs missions pour savoir ça. Ouais, t'as plusieurs missions à faire, la même crise d'affaires. C'est juste que là, faut des fois, t'as des temps records à faire. Il faut que tu le fasses en moins d'une minute et demie. Un petit peu plus tard. Des fois, faut que tu te caches. Fait que, c'est, dans le fond, le but vient au même. Il faut que tu donnes des Whoppers ou de la nourriture de Burger King en sneakant. Donc, il faut que tu sois derrière la personne et il faut pas qu'elle te voit. Parce que si elle te voit, tu brises ton chain break. Donc, C'est comme un combo, c'est ça. Donc, tu dois pas te faire pogner. Moi, je comprends une chose. Burger King, ils ont créé un jeu fait que nourrir les gens de Burger King, faut que tu fais ça d'une manière genre ninja caché. Ouais, c'est ça. Parce que le sneaking, c'est ça, son pouvoir. Comme son pouvoir. Mais c'est parce que c'est parce qu'on n'est pas supposé te donner ça. Hey, crois-moi, t'es vraiment pas supposé te donner ce Burger King. Tu t'en vas profond dans la conspiration. La conspiration, ouais. Peut-être. The Men's Watching. The Men's en passant, j'adore les Whoppers. Pour vrai. Moi, je pense que c'est juste là, genre, comme ils font un bon. Moi, je pense que c'est peut-être leur tomate. Le méchant Whopper, là, il est très bon. OK. Et bon. On dérape encore. Fait que. Mais non, on parle de Whopper, par exemple, de Sneaking. Fait que ton expérience avec Sneaking's BK Lounge. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que le but du jeu, c'est de faire ça. Faut que tu te caches. Au début, vraiment, tu passes une éternité sur un chantier de construction. C'est plate, faut que tu te caches, fais des burgers. Puis quand t'attrapes la personne pour y donner un burger en te pliant à genoux, t'as un gauge, tu sais qu'il y a une ligne qui se remplit, puis plus elle est pleine, comme les jeux de tu t'appuies sur le bouton, genre c'est ça, comme un power-up, là. Puis plus elle est haute, ça te donne plus de points. Ça donne un... Comment qu'ils appellent ça? Un feed. C'est un sneak 3. T'as sneak 2, sneak 3. Plus c'est haut, plus c'est bon. Est-ce que t'as eu des sneak 3? Hein? Est-ce que tu as eu des Sneak 3? C'est très facile d'avoir un Sneak 3. Ça fait penser à les séquences quand tu assassines dans le jeu Punisher ou Xbox. Oh. Parce que tu avais la drill un peu, puis si tu le pognais bien, mais il brillait. C'était bon le jeu, là, c'est ça le pain. C'est ça. Parce qu'il brillait juste un peu dans la tête. Ouais. Fait que c'est ça bon. le grand but. Tu te caches dans les poubelles, tout ça. Puis si tu te dépêches pas, le monde meurt. Mais ils perdent connaissance parce qu'ils ont une crise d'hypoglycémie. Tu manges pas de Burger King, tu meurs, c'est non, ça que tu me dis? Non, tu tombes, tu perds connaissance d'une crise d'hypoglycémie. Ils se cachent dans la poubelle avec le Burger King. Ouais. Toi aussi, t'es accroché là-dessus, hein? Là, t'es caché dans le vidange. Il faut que tu fasses peur au monde, t'es pognes, puis tu leur donnes un burger. L'affaire, quand tu pognes un sneak numéro 3, il fait une danse très spéciale. Est-ce que tu pourrais l'imiter pour nous? Oui, je pourrais vous l'imiter, je m'en souviens. Deux petites secondes, Mel, il y a peut-être des gens qui vont vouloir voir cette dite danse. Je trouve ça louche, moi, qui donne des hamburgers. OK, donc... Il va patience, donc il fait... Vas-y, on va voir. On dirait enfant fort. Donc, ce qu'il fait un peu comme ça aussi. Élise Marquis sort de sa corps. Donc, quand il a bien nourri et que quelqu'un est très heureux parce qu'il a un sneak niveau 3... Élise Marquis? J'ai dit, on dirait enfant forme. Enfant forme. Ouais, c'est un peu ça, le... Eh boy. Oh, mais grosso modo, tu recommanderais l'expérience aux gens ou... Non. Ben, moi, que. 5$ avec un trio, là. Puis toi, tu aimes. Non, mais honnêtement, 5$. Pour une collection, mais. Bon. Tu prends-tu les chaussons ou le sneaking? Un chausson. Pour vrai? Ah, ouais. Quelque chose de temporaire. Mais en tout cas, c'est drôle les deux premières minutes. Fait après, t'as fait. C'est ça tout le long. Mais mettons que tu joues dans deux mois, là. Non. Non? C'est vrai. Mais c'est toi, quand j'ai starté, je me suis rappelé que j'avais déjà joué. Ah, ben là. Non, mais attends, je m'en souviens, je dis, ah, ok. C'est ça, c'est ce que je m'en souviens. Fuck. Fait que c'est ça. Exactement. Fait que c'est pas grave, j'en ai plein d'autres fun de même. Mais non, fait que c'est ça, c'est le sneaking. Mais dis-toi une chose, c'est le meilleur des quatre jeux qui ont sorti. Mais le go-kart était pas payé. Ouais, mais ça reste que sneaking est plus hot, pareil. Ouais. Ok, mais juste pour vous dire aussi, il y a des walkthroughs sur YouTube, je peux pas croire qu'il y en a. Parce que honnêtement, c'est pas grave. T'as-tu cheaté dans le sneaking? T'as checké des walkthroughs de sneaking? Non. Elle était pognée. Écoute, il y en avait un, il tombait d'hypoglycémie. Il a fallu chier. J'étais pas rien d'être pognée. Non. J'étais curieuse de savoir s'il y avait vraiment du monde qui avait de la misère avec ça. Puis ça a l'air que oui. Parce que honnêtement, c'est le skate plus débile. Sneaking. Sneaking. Y a-tu des achievements? Jouer. Même que. T'as-tu des achievements à ça? Non, hein? Mais ça, ouais, oui, t'as des achievements. Ouais. Ouais. 250, je pense. Je me souviens même que. Il y avait certains jeux qui étaient Xbox et Xbox oui, 360. Oui, j'ai unlocké. Je me souviens plus, ça avait comme popé, puis j'ai fait. Waouh, bon, regardez ça. Puis voir, ça va apparaître dans mon gamer profile. C'est hot, ça. Fait Yaris a des ouais, games. Tu vois, mais Yaris, c'est d'autres choses. C'est un jeu arcade. Là, ce qui est vraiment nouveau, c'est que c'est à Mélanie de nous donner la prochaine manette dorée. Oui. Oh. C'est vrai qu'on n'a jamais fait ça. Là. Je vais, ouais. En fait, c'est que je pense que tout le monde en a eu un, là. À date, c'est juste notre truc. On t'en a pas reçu, mais tout le monde. C'est ce que je voulais donner justement à Milter ce soir. Oh, Milter. Je lui ai déjà donné la semaine passée. Ça, c'est juste pour vous dire parce que j'ai comme oublié de le préparer. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Ça. Fail. Je sais, je suis tellement désolée. J'ai eu une semaine débile. Mais c'est pas grave, c'est un très bon manette dorée. Le film que je t'ai donné, Guitar Wolf, je veux que tu l'écoutes. C'est vrai. Je veux c'est que vrai. Tu l'écoutes parce que ça va faire un méchant bon résumé. OK. C'est un excellent film. T'aimes ça. L'absurdité. Oui. T'aimes les zombies. Oui. T'aimes les rockabilly. T'aimes les chimères. En fait, ce que t'as pas dit, c'est qu'à la fin du tournage, on s'en va à l'île noire. Fait que si t'aimes pas les rockabilly, t'es fait. Ouais, y a une chimère dans le film. Oh, ouais. Y a des chimères. Attends, y a une chimère, rockabilly, du zombie. Chimère, rockabilly, zombie. Non, je pense que c'est tout ce qui manque des nains. Fail. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis c'est des rockabilly. Y a Guitar Wolf qui est des héros là-dedans. Puis Guitar Wolf au Japon sont très très gros. C'est un band de rock'n'roll. Non, son bassiste qui est mort. Hein, ouais, le bassiste est mort d'un overdose. Oh, ça, j'aime ça. Fait ça, que ça c'est tu vois, nous autres aussi, meilleurs. On connaît des choses, Eric. Ouais. Bon, fait que non, c'est ça, c'est excellent. Moi, le film, j'ai ri. Écouter ça. Fait que c'est ça ton défi cette semaine. C'est pas pénible comme moi, on m'a fait avec Sneaking. Non, hey, pénible, come on. Je t'ai diverti pendant au moins 2 minutes. Au moins. Attends, je vais peut-être te revenir dans 2 semaines avec d'autres choses, partir ça à un autre sens. La fin, c'est pas mal, c'est que si tu l'aurais pas réussi, André, t'aurais obligé de danser la danse. Tu l'as fait. Win. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça qui conclut l'épisode 3, version 2, améliorée. Maintenant, avec beaucoup moins d'écho. Jurassic Park au SNES. Oh, vraiment. Oh! Ouais, tu veux finir ça de même, toi, hein? Tu name drop Jurassic Park. SNES. On peut même pas dire, c'est-tu combien de temps ça m'avait pris? Puis quand j'ai regardé justement encore la vidéo du nerd, j'ai fait genre, oui, moi aussi! Genre, j'ai tellement connecté avec lui, justement. Comment tu faisais pour changer de section? Fallait que tu montes dans un buisson, mais il y avait rien qui l'indiquait. Mais il y avait une flèche. Ouais. Non, il y avait des flèches à terre, mais tu ne voyais pas parce que l'écran était mal cadré. C'était un bug. Fait que tu ne voyais pas la petite flèche. Fait que là, tu tournais en rond même. OK, je monte tout. Puis on a finalement trouvé par pur hasard que je gossais avec le piton, puis j'ai fini par monter vers le haut. J'ai fait... Wow, OK. Puis je regardais le nerd, puis je fais wow. Sans déraper trop sur Jurassic Park SNES, mais dis-toi une chose. Ocean, sont comme, on a la licence de Jurassic Park. On fait ce qu'on veut, puis fuck fait that. On la garde. Wolfenstein, c'est bon. C'est populaire. Zelda, c'est bon. C'est populaire. What if we mix them together? Avec des dinosaures. Avec des dinosaures. Qui bougent pas en passant quand ouais. t'es dans la section. Ils font... Non, ils bougeaient, ils déplaçaient l'image vers toi. Ouais. Ah, ça, c'est de la merde. Okay, en fait, je savais pas que c'était pour résonner avec tout le monde. Donc, mot de la fin, Mélanie? Ce soir, André, c'est Vampire Diaries, donc oublie pas de le regarder. Merci, merci. Bon de la fin, Milter? Oui, faites un jeu sur Toxic Avenger ou Kill Bill. Il y en a eu un jeu de Toxic Avenger. Nintendo 8-bit. Ouais, ouais, non, mais récent, là, je parle. Là, ils ont la possibilité non, de faire écoute, bon, si t'en fais un récent, ils vont faire la même affaire parce que là, c'est à la mode de faire des rétro ouais, futurs. Des arcade, là. Non, mais je sais pas, il me semble que je verrais ça en hack and slash, moi. Tu sais, oui, puis Toxic and Friends, là, au pays, là, genre, là. Je pense que c'est ça le jeu. Pour de vrai, mais faites-les en hack and slash, là, de nouveau. Là, moi, je me rappelle là. Du cartoon de Toxic Avenger, puis c'était le fun. Ben, ouais, c'est ça, Toxic and Friends, ouais, là, tous ouais, des personnages ouais. nowhere qui n'existent pas pour de vrai dans les films. Mais, gars, ben, prends il existe dans tu sais, pour faire un co-op 4-player, là, rajoute les personnages qu'on connaît pas, là, puis fais un Marvel Ultimate Alliance avec Toxic Avenger, genre, là. Ah, moi, tu t'avances à coup de 4 puis tu bûches du monde nowhere puis c'est juste gore des jokes crus dégueux c'est n'importe quoi là de même là. Ça serait bon pour que je trouve fait que ça... toi tu closes ça de même moi, en disant au monde connais-moi un jeu de Toxic and Friends un jeu de Toxic Avenger oh boy si quelqu'un vient de faire ça possible, on y paye la bière ils vont tout gâcher ouais ça me tente pas que ce soit vous autres mais non mais c'est pas que j'aime pas leur genre de jeu mais t'sais, t'aimes ça... pas leur genre de jeu non pas pantoute mais ouais ok c'est ça dans le fond je suis sûr qu'ils fitteraient pas pour faire ce genre toi Eric mis à part Jurassic Park ton mot de la fin les adolescents dans Toxic Avenger sont fucking méchants man. Quoi? C'est vrai, hein? Intimidation, c'est le mot intimidation du intimidation dans le max. C'est-tu moi où il y a un kid qui se fessait par un char à un moment? Pis c'est drôle. Il rise de ça, puis il allait mettre un bâton dans le kid qui vient de tuer. Ça, c'est les ados, là. Ouais, ouais. OK, mais en tout cas, ça, c'est mon juste, mot de la fin. Juste avant, deux choses. Moi, j'aimerais qu'on fasse un film basé sur Skyrim. Je pense que si c'est bien produit, ça pourrait être assez cool. Toutes les Elder Scrolls au complet, tant qu'à ça. Et deuxièmement, on a oublié un film qui ont fait un jeu vidéo avec ça. Cool World. Ah, avec Brad Pitt. En fait, c'était même pas le likeness de Brad Pitt dans le jeu. Non, c'est ça. Cool World. Le film qui m'a donné le plus de mixed feelings ouais. quand j'étais un avec enfant. Kim Bassett. T'écoutes ça pis tu fais comme... Comment je me sens à propos de ce film-là? J'ai envie de pipi, je sais pas pourquoi. je suis comme... Je suis pas sûr. C'est des nouvelles émotions. C'est vrai, ah, Roger... Roger Rabbit. Jessica il Rabbit. Il a fait un bon. Le jeu Jessica donné, Rabbit. Ouais, je me souviens plus. Elle puis la corde à nœud dans le cours de gym. Là. La quoi? Hein? La corde de nœud. La corde à nœud dans le cours de gymnastique. Il fallait que tu grimpes. Là. C'était quasiment pareil. Hein? Ouais. C'est drôle parce que ces deux films-là me font penser à un film, c'est Monkey Bones. Non, c'est... pas avec Brendan Fraser. Brendan Fraser, puis l'autre de Saturday Night Live là, qui joue dans Chris Kattan. Chris Kattan, ouais. Monkey Oh Bones. Boy. Il est malaisant. Ouais. Puis notre mot de la fin, il dérange. On finit vraiment l'émission sur Monkey Bones. Non. Mot de la fin, suivez Geek Collectif sur Twitter. T'in. Ouais, ouais, je pense que ça amène l'allure. Ça amène l'allure. Ouais, puis tant qu'à ça, suivez-nous toutes. Individuellement aussi, là. S'il y en a qui préfèrent plus Mel ou plus André ou plus Eric, vous pouvez suivre tout le monde tout seul. Là. Fait que... Plus Milter. Ouais, moi aussi, mais vous n'êtes pas obligé. Mais t'es pas en manque de moi, c'est Zombie Milter. Quoi, je n'ai juste 600. Juste moi, je n'ai 100. Je viens de taper le 300, je pense. En plus que ça, je depuis... comprends même pas pourquoi le monde me suive. Mais non plus, je dis rien. Moi, je dis juste des affaires très incohérentes. Incohérentes. Incohérentes. J'ai de la misère à ouais. dire. Puis, moi, c'est Montréalien à Twitter. Si tu veux t'amuser, à twitter.com. Mes tweets pendant la grève. 18 ans et plus. Ouais, moi aussi. Je les ai effacés parce que je me faisais intimider. Oh, boy. Donc, Mélanie. Le mot de la fin pourrait être intimidation. Intimidation. Intimidation. Moi, je suis pas d'accord. C'est une touche trop négative. Ah, on peut pas finir un épisode sur intimidation. Lovers gotta love. Lovers gotta love. Ça, là, ça a bien de l'allure. Hate the player, not the game. Ouais. Jump. White man can jump. Ain't nothing but a chicken wing. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous et on se revoit dans deux semaines Bonne pour semaine. L'épisode 4. Mon nom est André Paquette. Suivez-moi sur Twitter. Uzumaki QC. Merci beaucoup et bonne semaine. Bonne semaine. Bye.